من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع درس العقيدة وقبل أن نبدأ في الجديد كعادتنا نلخص بعض الأمور ثم إن شاء الله تعالى نبدأ في الجديد donc comme je viens de dire nous sommes toujours avec العقيدة bien sûr c'est la chose la plus importante en islam la chose qui ne finit jamais et aujourd'hui on est en train de parler sur le destin et la prédestination. On avait commencé à parler sur ce sujet. Avant de commencer par le nouveau d'aujourd'hui, il faut qu'on révise un peu, on revient un peu en arrière, on révise, ensuite on commence, inshallah ta'ala, le nouveau. L'amr l'awwal ladhi dhakarna huwa muhim jiddan. Anna al-khayr wa shar, nitakallam 'an wa tu'mina bi al-qada'i wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. Amma al-khayr fa dhahir, fa dhahir. Inna Allah 'azza wa jalla huwa alladhi khalaqa. لكن بعض الناس يختلفون في الشر ولا يدرون أن الشر أيضا أن الله عز وجل هو الذي خلقه ولهذا تجد بعض الفرق الضالة تظن أن الشر يعني بما أنه شر إذن ليس الله هو الذي خلقه وهذا خطأ فظيع والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الشر أيضا الله عز وجل هو الذي خلقه بخلاف المجوس وغيرهم الذين يجعلون آلهة يقولون مثلا في إله للنور وإله للظلمة وإله للخير وإله للشر وهكذا بعض المسلمين بنية يعني صالحة لكن لفرط جهلهم فإنهم يخطئون في هذه المسألة وينسبون الشر من جهة الخلق إلى الشيطان وقلنا نحن إن الله عز وجل هو الذي خلق الشر كما خلق الخير وهذا يندرج في قوله تعالى الله خالق كل شيء في كل شيء يدخل الشر كما قلنا وكما ذكر ذلك العلماء المحققون donc la première chose qu'on va réviser c'est que la fois passée quand on a parlé on est maintenant au cinquième ou bien sixième pilier croire au destin au bon et au mauvais يعني الخيره وشره en ce qui concerne le bon destin Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne le mauvais, ou bien en ce qui concerne le mal, il y a certains, et mal asaf, il y a certains musulmans qui croient que Allah Azza wa Jal a créé le bien, pas le mal. Ils vont te dire, le mal, c'est le diable qui l'a créé. Shaitan huwa alladhi khalaqa ash-shar. Et nous, on a montré la fois passée, alhamdoulilah, que dire cela, c'est une grande erreur. Et même une grave erreur. Dans la aqida, dans le dogme du musulman. Mais il doit dire que le shar, le mal ou bien le mauvais, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. On ne dit pas comme les Majus et les autres qui disent il y a un Dieu qui crée cela, un Dieu pour l'obscurité, un Dieu pour la lumière, un Dieu pour le mal, un Dieu pour le bien. Nous, on dit Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a tout créé. Donc on a dit que dans la fois passée et on révise aujourd'hui aussi Allah Azza wa Jal c'est lui qui a créé le mauvais allez nokta l'oula nokta thania wa hiya muhimma aydan muhimma jiddan ma hiya huwa anna shar yudhaf ila kisbil makhlouqat wa af'alihim wa innama yudhaf ila Allah Azza wa Jal min haythu faqat annahu khalaqah huda muhim jiddan Allah Azza wa Jal khalaqa shar لكن هو ليس من أفعاله إنما المخلوقات هي التي ماذا؟ هي التي تفعل الشر المخلوقات هي التي تفعل هذا الشر وهذا الفرق عظيم يعني بين أن نقول الله عز وجل خلق الشر وبين أن نقول هو الذي فعله، إنما نقول الله عز وجل خلقه وينسب إلى الله عز وجل من حيث أنه خلقه، وينسب إلى المخلوقين وإلى الناس وإلى الحيوانات من جهة ماذا؟ من جهة الاكتساب، أن هم الذين يعملونه. وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القادر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات، لا باعتبار التقدير نفسه، لا باعتبار التقدير نفسه. Et la deuxième chose importante qu'on doit savoir et qu'on a déjà dit la fois passée, c'est que le mauvais hada ou là le mal, Allah Azza wa Jal, certes, c'est lui qui l'a créé, mais Allah Azza wa Jal ne l'a pas fait, l'a créé seulement, mais c'est les créatures qui le font, c'est les créatures qui font le mal, c'est les créatures qui tuent, c'est les créatures qui volent, c'est les créatures qui font les péchés, etc. Allah Azza wa Jal n'aime pas ces choses, car Allah Azza wa Jal crée des choses qu'il n'aime pas. Allah Azza wa Jal peut et créer des choses qu'il n'aime pas, comme il a créé par exemple le diable. Allah Azza wa Jal n'aime pas le diable et pourtant il l'a créé. Donc Allah Azza wa Jal, s'il crée quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Il l'a créé pour tester les gens, pour les épreuves, pour mille et une raisons qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc ça c'est la deuxième règle, c'est que Allah Azza wa Jal a créé le mal, a créé le mauvais, mais il ne fait pas le mauvais. Azza wa Jal, ce sont les créatures et les gens qui font le mauvais. ثالثا قاعدة ثالثة التي ذكرناها ليس فيه شر محض ليس فيه شر محض فكل شر إلا ولا بد أن تكون فيه ماذا؟ أن تكون فيه يعني محاسن ومصالح كثيرة، علمناها ولم نعلمها، لأن الله عز وجل لم يخلق الشر المحض وإنما كل شر خلقه فلابد أن يحتوي على ماذا؟ على محاسن وعلى مصالح وعلى فوائد، سواء علمنا ذلك أم لم نعلم، سأرجع إلى هذا إن شاء الله تعالى. La troisième règle, c'est que Allah Azza wa Jal, quand il a créé le mauvais ou bien il a créé le mal, il n'y a pas un mal ou un mauvais pur, yani seulement mauvais. Mais chaque mauvais ou chaque mal que Allah Azza wa Jal a créé, il faut que ils contiennent de bonnes choses. Il faut qu'ils contiennent un côté yani où il y a du bien. Pire, les ulama disent que chaque mal ou chaque mauvais que Allah Azza wa Jal crée, le bien qu'il contient est beaucoup plus grand que le mauvais ou le mal qu'il contient. Ça c'est une autre règle, une règle très importante. Allah Azza wa Jal n'a pas créé le mal pur, yani il est tout mal, mais il a créé le mal, mais il comprend beaucoup de bien, il comprend beaucoup de bien. لو أعطينا مثال فقط يعني الشيطان أليس هو شر؟ هو عين الشر، لكن الشيطان على القاعدة التي ذكرناها الآن، الشيطان كله شر؟ ليس هو كله شر. لماذا؟ لأن الشيطان لولا وجود الشيطان أنت لم تجاهد نفسك، لأنك تخاف من الشيطان الآن تجاهد نفسك وتستغفر الله فيعطيك الله حسنات، وتحاول أن تجاهد نفسك فيعطيك الله حسنات، وتتوب إلى الله من أجل أنه أدخلك يعني جعلك تخطي تتوب إلى الله وكذا. إذن كونه يعني حتى في خلقه وهو عين الشر، فإن هناك مصالح ومحاسن كثيرة ذكرها ابن القيم وغيره في كتبه، يعني حتى الشيطان نفسه في خلقه مصلحة عظيمة للناس ولا سيما للمسلمين. دونك دابخي لا تخوازيام غاكل كل الله عز وجل نفكري le mal pur, même si on parle du diable. Le diable c'est le représentant du mal, mais malgré cela les ulama disent le diable est le shaitan, yani Allah Azza wa Jal l'a créé, pourtant sa création contient beaucoup de bien. Par exemple, lorsqu'il te pousse à faire par exemple quelque chose que Allah ne veut pas, bon ça c'est du mal, mais quand tu dis astaghfirullah wa tabki wa tu pleures et tu regrettes, tu te repentis, etc., Allah Azza wa Jal va te donner beaucoup de hasanat, beaucoup de bienfaits. Donc les bienfaits, comment tu les as eu? Tu les as eu yani c'est le diable qui était la cause, parce que lui t'a fait tomber dans le péché, ensuite tu t'es repenti, etc. Donc la première cause c'est lui. Donc le diable contient aussi du bien, et c'est quand Allah Azza wa Jal l'a créé, nous on va faire le contraire de ce qu'il fait, on va avoir peur qu'il nous fasse tomber dans les péchés, on va et on va prendre garde. Tout ça, Allah Azzawajal va te donner des bienfaits. Des bienfaits. Pourquoi? Parce que tu es dans un djihad. Le djihad, c'est pas seulement la guerre sainte avec les armes, etc. Mais il y a aussi le djihad de l'âme et le djihad de Satan, le djihad de Iblis. Et qui est peut-être plus difficile que l'autre djihad. Donc, toute chose, mal ou mauvais, que Allah Azzawajal a créé, Elle contient quoi? Elle contient toujours du bien. Et les ulama disent, pire, elle contient beaucoup de bien, plus de bien que de mal. قال ولنأخذ حد الزاني مثلا إذا كان غير محسن الزاني مثلا يزني وهو غير متزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويصفر عن البلد لمدة عام وهذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه لأنه هذا لا يلائمه لكن هو خير من وجه آخر لماذا؟ لأنه يكون كفارة له لذنبه فهذا خير ولأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة هذا عقب في الدنيا فهو خير له ومن الخير أيضا الزنا هذا ماذا فيه من خير؟ عفوا لما رجمنا هذا الإنسان وجلدناه ما رجمناه لما جلدناه ما هو الخير أيضا؟ هو أنه يكون ردعا بالنسبة للآخرين فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا ارتدع وخاف إذن حتى يعني لما نجلد الزاني فهو شر بالنسبة له لكن خير كبير مثلا بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لغيرهم et si on regardait par exemple pour prouver aussi que tout ce que Allah Azza wa Jalla a créé ça contient du bien on dit par exemple celui qui fait par exemple l'acte sexuel le péché sexuel par exemple et qui n'est pas marié s'il n'est pas marié qu'est-ce qu'on doit lui faire? On doit le fouetter, pas nous bien sûr, c'est le gouverneur. Il le fouette 100 fois, 100 coups de fouet, et il le fait sortir. Il le fait sortir de la ville, combien? Il y en a une année. Il l'envoie loin de la ville où il a fait le péché, il l'envoie une année loin de la ville. Bien sûr, pour que les gens oublient, la famille de la fille oublie, etc. Il faut qu'il soit loin de la femme avec laquelle il a fait le péché. Donc tout ça, bien sûr, on l'a fouetté sans coup de fouet, on l'a fait sortir de la ville. Tout ça, ce n'est pas bien pour lui. Donc c'est un mal. Et pourtant, ce mal contient du bien. Quel bien contient-il, par exemple? Premièrement, quand on le frappe sans coup de fouet, on lui a annulé le châtiment de l'au-delà. Alhamdoulilah, il a pris son coup de fouet, il va à la maison, il va à l'hôpital, je ne sais pas où il va. Alhamdoulilah, s'il meurt, il ne va pas avoir un supplice Yom al-Qiyamah. Donc voilà une preuve que le mal lui-même, qui était le frapper sans coup de fouet, c'est quelque chose de bien. Donc c'est du mal par rapport à lui, et du bien, et en même temps c'est du bien par rapport à lui. Ensuite il y a autre chose, même pour lui, quand il a fait cela, même pour les autres, je veux dire, les gens vont avoir peur la prochaine fois. Quiconque veut faire cela, veut faire comme lui, il va se souvenir qu'on va le frapper sans coup de fouet et qu'on va le faire sortir de la ville ou bien du pays. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus faire cette chose. Donc voilà une preuve que quoi? Que le mal lui-même contient du bien. Il contient du bien pour qui? Pour nous. C'est pour ça qu'autrefois, ou l'homme Shafi a un dicton qui dit, dans ce sens, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lui, il a été fouetté, il a été, etc. Et nous, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on a? Ça nous fait du bien. Pourquoi ça nous fait du bien? Ça va être pour nous un dars. Ça va être pour nous un dars. Quiconque voudra faire comme lui aura peur. Il va dire, non, j'ai peur qu'on fasse de moi comme on a fait de lui. وأيضا حتى بالنسبة للأمور الكونية فهناك شيء يكون شرا باعتباره مقدورا كالمرض مثلا الإنسان مثلا إذا مرض فلا شك أن المرض شر بالنسبة له لكن فيه خير له في الواقع أولا يكفر ذنوبه قد تكون على الإنسان ذنوب لا يكفرها الاستغفار ولا التوبة لوجود مانع مثلا لعدم صدق نيته فإذا نزل به المرض الحمد لله ماذا كفرت له هذه الذنوب إذن حتى المرض فيه أيضا خير ومن خيره أيضا أن الإنسان يعرف قدر نعمة الله تعالى بالصحة لأنه لا يعرف قدر الصحة إلا إذا مرض نحن الآن مثلا الصحة لا ندري ما هو قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة. كما يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. إذن هذا أيضا دليل على ماذا؟ على أن الشر قد يكون فيه خير، قد يكون فيه خير. Si on prenait par exemple maintenant l'exemple de quelqu'un par exemple qui tombe malade. Bon, quelqu'un qui tombe malade, s'il y a quelque chose de mal ou quelque chose de mauvais par rapport à lui, il va dire moi je suis malade, c'est quelque chose qu'il n'aime pas bien sûr. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui a du bien. Parce qu'on a dit que la règle générale, c'est que Allah Azza wa Jalla ne crée jamais le mal pur. Il ne crée jamais le mauvais pur. Jamais le mauvais pur et jamais le mal pur. Toujours le mal contient du bien et beaucoup de bien, et le mauvais contient beaucoup du bien et beaucoup de bien. Par exemple, quand quelqu'un il tombe malade, quand quelqu'un tombe malade, donc c'est ça, par rapport à lui, c'est quelque chose de mal, quelque chose de mauvais. Et pourtant, c'est quelque chose de bien. Pourquoi c'est bien? Parce que vous savez qu'il y a des péchés, ou il y a certains péchés, que par exemple, même quand on fait des repentirs, on fait la touba, et on se repent, etc., des fois ce n'est pas accepté. Et les péchés ne sont pas annulés, ils restent toujours. Pourquoi? Parce que des fois, il y a une barrière, ou il y a une entrave qui nous gêne. C'est quoi par exemple cette barrière? Par exemple, on n'est pas sincère. Quand on n'est pas sincère dans le repentir, il n'est pas accepté. Donc si tu fais un péché, tu te repens, mais tu n'es pas sincère. Tu le dis seulement comme ça des lèvres, du bout des lèvres. Bien sûr que ce n'est pas accepté. Donc, mais si tu es malade, la maladie, quand on est malade, elle enlève les péchés. Donc tu vois que si tu dis Astaghfirullah, etc., ça n'enlève pas des fois. Et des fois tu es malade, cette maladie va t'enlever des péchés. Donc le mal, la maladie qui est un mal, voilà qu'elle contient aussi des biens. Elle contient aussi des biens. C'est pour ça qu'on a dit dans cette règle qu'Allah Azza wa Jal ne crée jamais le mal pur. Toujours il crée le mal qui contient du bien. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et autre chose aussi, quand on est malade par exemple, quand on est malade, quel est le bien qu'il y a aussi dans la maladie? Le bien qu'il y a aussi dans la maladie, c'est que par exemple ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est malade, on sent le cœur et on se sent très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence à penser qu'est-ce qu'on a fait, et si je meurs, et si ceci, et si cela. Ensuite, si on guérit, on sera mieux en question d'iman et question de foi. C'est ça le vrai musulman quand il tombe malade, parce qu'il a peur de mourir, etc. Donc il revient, ça l'aide à revenir vers Allah encore plus. Donc voilà le mal, alors qu'il, la maladie c'est un mal, alors qu'elle contient aussi du bien. إذن من الأمور التي قلنا مثلا في المرض، تكلمنا عن المرض، قلنا من محاسنه أيضا وحسناته أن المريض المسلم والصادق بطبيعة الحال في الغالب المرض هذا يجعله يتقرب من الله عز وجل أكثر. لماذا؟ لأنه يخاف أن يموت ويتذكر ذنوبه. والمرض لأنه في الغالب المرض في كثير من الأحيان كأنه إنذار، فيخاف الإنسان من الموت لأنه يجعل دائما علاقة بين المرض وبين الموت. إذن كونك تخاف من الله في المرض وتندم وتقول إذا شفيت سأفعل كذا وكذا، هذا دليل أن المرض في خير إن شاء الله تعالى. وensuite il y a autre chose. La maladie contient aussi par exemple quelque chose de bien. C'est quand on tombe malade, on reconnaît alors et on reconnaît la vraie valeur de quoi? La vraie valeur de la santé. La vraie valeur de la santé, on la reconnaît, on la connaît que lorsqu'on tombe malade. Comme la vraie valeur de la richesse, on la connaît pas quand on est riche, on la connaît quand on devient pauvre. Et la vraie valeur de la liberté, on la connaît pas maintenant, on la connaît quand on va en prison, etc. Toujours c'est le contraire. Donc la maladie, quand on tombe malade, le bien qu'elle contient, parmi les biens qu'elle contient, c'est qu'on connaît, on reconnaît quelle est la vraie valeur de la santé. Si Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, si quelqu'un il fait un accident et on va lui couper les pieds, Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, je demande à Allah azza wa jalla qu'il éloigne de nous cela. Ce jour-là, quand il entendra le médecin dire on va lui amputer les jambes, ce jour-là, il va savoir quelle est la vraie valeur des jambes. Quelle est la vraie valeur des gens. Et lorsqu'il sera aveugle, il connaîtra la vraie valeur des yeux. حتى تسلب منه النعمة ليعرف قدرها فيشكر الله. إنما يشكر الله عز وجل في حين وجودها قبل أن تسلب منه، هذا هو المؤمن الحقيقي. أما الناس كلهم إذا ذهبت النعمة عرفوا قدرها، لكن المؤمن الحقيقي الذي قلبه مرتبط بالله عز وجل الشاكر الذاكر فإنه يعرف قدر النعمة قبل أن تؤخذ منه، يعرف يعني فضل العينين قبل أن يكون أعمى، وفضل اليدين قبل أن تقطع يده، وفضل الرجلين قبل أن تقطع رجله، وهكذا تجده حتى إذا جلس هكذا يتكلم مع نفسه فيحمد الله ويشكر، يقول الحمد لله على فضل العينين، الحمد لله على اليدين، الحمد لله على الرجلين، الحمد لله على يعني نعمة الوالدين، الحمد لله على نعمة العلم، نعمة الزوج، نعمة الأولاد، نعمة الدار، نعمة كذا، نعمة السيارة، ونعمة، ولا ينتهي. أما غيره لا، حتى تؤخذ منه النعمة يبدأ يا ليت، ويبدأ يعني يقلب يديه ويقول أوه كانت عندي نعمة كبيرة ولم لم أشعر بها. نعم لم تشعر بها أيها المسكين، ما لو شكرتها لم يسلبها الله عز وجل منك. Donc le vrai musulman c'est celui qui connaît la valeur de la chose avant que Allah Azza wa Jalla ne la prenne de lui. C'est pas quand on devient aveugle on dit oh j'avais les yeux, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai, je ne savais pas. Quand on va lui dire on va te couper les jambes, oh je ne savais pas yani la valeur des jambes, etc. Non, ça tout le monde va le dire, tous les mécréants vont dire cela, mais le vrai musulman il dira ça avant qu'on lui prenne cela. Le vrai musulman maintenant quand il est assis, il est en train de parler à lui-même, par exemple il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alhamdulillah ya rab ala ni'mat al-aynayn, pour les yeux et la valeur des yeux, alhamdulillah ya rab ala ni'mat al-yadayn, alhamdulillah ya rab, wa yibda hakada, il commence à essayer de dire ou bien de chercher que je vais dire يعني توت هاد النعم هادو كل عز وجل نوزا دوني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيقول الحمد لله pour يعني الله عز وجل pour la santé qu'il m'a donné, les autres sont malades, الحمد لله pour la richesse qu'il m'a donné, les autres sont pauvres, الحمد لله pour le mari qu'il m'a donné, le bon mari, les autres ils ont beaucoup de problèmes avec leur mari, الحمد لله pour les enfants qu'il m'a donné, certaines femmes n'ont pas d'enfants, alhamdoulilah pour la maison qu'il m'a donnée, il y a certains qui dorment dans la rue, walhamdoulilah, walhamdoulilah, walhamdoulilah. Voilà, tu sens yani l'iman qui est dans ton cœur yani en train de yani bouger. Alors que les autres, comme j'ai dit, c'est seulement quand Allah Azza wa Jal va lui prendre une ni'ma qu'il va se réveiller, il va dire oh j'avais une ni'ma, une ni'ma elle est partie. Et celui-là, c'est un pauvre miskin. C'est un pauvre, pourquoi? Parce qu'il ne connaît la ni'ma que quand Allah Azza wa Jal va la prendre de lui. Et tout ça, nous sommes toujours dans la révision. Quatrième des choses, quatrième, ou peut-être la révision elle-même, peut-être elle va être un dars. Quatrième des choses, on a dit, et ça c'est très important, pardonnez-moi, je commence par l'arabe et je reviens. الأمر الرابع الذي ذكرنا وهو هام جدا جدا وهو أن الإنسان في نفس الوقت مخير وفي نفس الوقت مسير. الإنسان في نفس الوقت مخير وفي نفس الوقت مسير. La quatrième importante chose qu'on a dit la fois passée, c'est que l'être humain est en même temps qu'il يعني il choisit يعني le libre arbitre, hein, il fait ce qu'il veut, et en même temps il est contraint de faire des choses. Il est les deux, hein? Pas comme les Jabriya qui disent non, il doit faire yani, tout ce qu'il fait c'est Allah qui l'a fait de lui, et la secte qui va à l'encontre de celle-là elle s'appelle Jabriya ou Al-Qadariya. Non, Al-Qadariya, qu'est-ce qu'elle dit, hein? Elle dit il n'y a rien qui Allah Azza wa Jalla a écrit, tout ce qu'on fait c'est nous qui le faisons. إذن قلت أهل السنة والجماعة يعتقدون أنهم مسيرون في أمور ومخيرون في أخرى. مسيرون في ماذا؟ تتعلم مثلا أن الإنسان مثلا إذا خاف رجف قلبه وارتعدت قوائمه، هل تستطيع أنت أن تحبس قلبك يعني إذا بدأ يرجف؟ إذا رأيت أسدا مثلا هل تستطيع مثلا تدفع الجوع تقول أنا لا أجوع، تقول أنا لا أنام، أنا لا أتنفس، أنا لا أموت، أنا لا أمرض؟ أنت مسير في هذه الأمور، ولابد لابد أن تحدث لك على وفق ما كتب الله عز وجل. لكن في الطاعات وفي غيرها وفي المعاصي أنت مخير. وهديناه كما قال الله عز وجل هديناه النجدين يعني الطريقين وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنت الذي تفعل الطاعات بتوفيق من الله عز وجل، وأنت الذي تفعل المعاصي بماذا؟ باتباعك لهواك وباتباعك للشيطان. إذا أنت مسير في الأمور التي يريد الله منك هذه الكونية والخلقية، لكن مخير فيما يخص الطاعات وفيما يخص ماذا وفيما يخص فعل المعاصي. أنت الله عز وجل أعطاك طريقين وقال لك اختر، إذا اخترت هذا الطريق يوصلك إلي ويوصلك إلى الجنة، وإذا اخترت هذا الطريق سيذهب بك إلى جهنم وتلقاني وأنا عنك غضبان. وأنت تخير وأنت حر في هذا. Donc les gens sont le consensus disent que nous sommes contraints par exemple dans les choses par exemple comme dans la faim. Quelqu'un peut-il ne pas avoir faim? Peut-il ne pas avoir peur? Peut-il ne pas mourir? Peut-il ne pas tomber malade? Peut-il ne pas laisser son cœur battre quand il voit par exemple un lion qu'il va le dévorer? Peut-il ne pas trembler quand il a la fièvre? Il peut pas, il est contraint, c'est l'azul qui l'a contraint à ce qu'il fasse ces gestes-là et à ce qu'il fasse cela. Voilà ce que disent Al-Sunna al-Jama'a. Mais ils disent, pardon une seconde. Salam alaykoum wa rahmatullah. Mais ils disent, en ce qui concerne les ta'at, en ce qui concerne par exemple les adorations, et en ce qui concerne les péchés, c'est toi qui choisis. Allah Azza wa Jalla dit, nous lui avons montré ou bien donné les deux chemins. Yani, وقال, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Quiconque vit, quiconque veut, yani, qu'il croit, s'il veut pas, yani, yakfur, qu'il devient mécréant. Donc, Allah Azza wa Jalla nous a laissé le choix. Il t'a montré les deux routes. Il t'a dit, cette route, ce sentier, mène au paradis si tu le suis. J'aime que tu marches sur ce sentier. Si tu marches sur ce sentier, je t'aide. Et attention, le deuxième sentier, il mène en enfer. Ne le suis pas. Ne marche pas sur ce sentier. C'est le sentier du diable. Si tu marches sur ce sentier, tu vas rentrer en enfer. Tu vas me trouver en colère, etc. Et la personne choisie, elle est libre. Elle est libre. Donc, on ne dit pas comme disent les autres que yani, on va faire des péchés, ensuite on va dire c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a dit de faire des péchés, nous a contraint. Nous, on a bien montré. Des choses, il y a des choses où Allah Azza wa Jalla t'a contraint, et il y a des choses, les ibadat, etc., les adorations, c'est toi qui choisis. Si tu choisis le bien, Allah Azza wa Jalla aime le bien, et par conséquent, il va t'aider. Si tu choisis le mal, Allah Azza wa Jalla n'aime pas le mal, et il va laisser le diable, il va te faire égarer. Ça c'est la troisième chose qu'on avait dite. ثم الرابع ثم آخر شيء فيما يخص ما ذكرناه آخر شيء وفي نفس الوقت يعني هذا هو نتيجة عما قلناه نتيجة لما قلناه في الشهادة الآخر. ما هو أن أهل السنة والجماعة يحتجون بالقضاء والقدر في ماذا؟ في المصائب وليس في المعائب. إذا كنت من أهل السنة والجماعة تقول قدر الله ما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خير منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول في ماذا؟ تقول في المصائب. لما تنزل بك مصيبة في مرض في موت حادث سيارة كذا تقول قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تقول أبدا قدر الله ما شاء فعل في ماذا؟ لا تقول أبدا فيما يخص المعاصي. يعني ليس الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يقول قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ لأن المعاصي كما قلنا أنت التي فعلتها وأنت التي اخترتها وأنت التي أثرتها، والشيطان هو الذي أضلك، ونفسك هي التي دفعتك وأنت. فالله عز وجل لم يقهرك على فعلها ولم يجبرك على فعلها أبدا. أنت الذي فعلتها، فإذا لا يجوز لإنسان أبدا أن ماذا أن يترك عفوا أن يفعل المعصية ثم يحتج بها فيقول إن الله عز وجل هو الذي جبرني على هذا. أبدا أبدا الله عز وجل بالعكس قال لك لا تفعل هذا أبدا. إذن كما قلنا لا هذا من أهل الضلال هم الذين يقولون هذا كما قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا. سبحان الله سيقول الذين أشركوا بعد أن يشركوا ماذا يقولون لو شاء الله ما أشركنا يعني الله هو الذي دفعنا إلى أن أشركنا. الله سبحانه وتعالى العافية من هذا الكلام. إنما الإنسان متى يقول قدر الله ما شاء فعل يقولها عند المصيبة وليس عند فعل المعصية. دونك ديرنييرمون بيان لا ديرنيير دي شوز سي اهل السنة والجماعة ان يديز قدر الله ما شاء فعل كونت يا اون ايبروف كي ديسون كونت يا اون مصيبة جو سي با كومون دي اون مصيبة كونت ايزون ان بروبلام باغ اكزومبل ايزون اون مالادي اون مور ان اكسيدون دو فواتور ايتترا يديز قدر الله ما شاء فعل. Mais c'est pas quand ils vont faire des péchés, hein? Ils vont pas faire la prière, ils vont boire l'alcool. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qaddar Allahu ma sha fa'al. Qaddar Allahu ma sha fa'al. Ça se dit pas ici. Au contraire, si tu dis ça ici, ça veut dire que tu vas faire un deuxième péché. Ça veut dire que tu as dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a dit ou là, qui m'a écrit, qui m'a contraint, qui m'a obligé pour que je fasse cela. Donc ça va faire un deuxième péché. Mais tu dis qaddar Allahu ma sha fa'al, tu le dis quand quoi? Quand c'est un problème qui est hors de toi. Yani, par exemple, quand on fait un accident de voiture, quand on tombe malade, quand quelqu'un meurt, quand etc. On apprend une mauvaise nouvelle, etc. On dit qaddar Allahu ma sha fa'al et non pas quand on va faire quoi? On va faire la marseille, on va faire le péché. Ensuite, on va dire qaddar Allahu ma sha fa'al. حتى العلماء يقولون مثلا لو أن أحدا من الناس مثلا سرقك لنفرض أن أحدا سرقك أو ظلمك ثم أردت أن تسترجع مثلا المسروق فقال لك مثلا قال لك قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل يعني الله هو الذي قدر أن أسرقك هل أنت الذي راح ترضى بهذا الكلام؟ من أي شك أنك لا ترضى ولا تقبل هذا إنما تريد أن تسترجع مالك ولا تقول خلاص قدر الله ما شاء فعل الله هو الذي قدر أن أسرق سرقني هذا الإنسان خلاص هذا أبدا لا تقبلها. ولهذا قلت السنة والجماعة يحتجون بالقضاء والقدر على المصائب وليس على المعايب. دونك كما جو بيان دو دير السنة والجماعة إنو ديز جامي قدر الله وشاء كونت يفون دي بيشي quand ils font des péchés. Mais ils disent qu'Allah m'a chafal quand il y a des épreuves et des masaïd. C'est pour ça qu'ils disent par exemple que si l'individu par exemple qui se justifie par le destin, hein, ça, hein, voilà ce que je veux dire que ce n'est pas possible. Se justifier par le destin pour abandonner par exemple ses devoirs religieux et pour faire des péchés. Pourquoi par exemple tu ne fais pas la prière qu'Allah m'a chafal. On dit à la femme, toi, pourquoi tu n'as pas mis le hijab? Qaddar Allah ma sha fa'al. Yani, Allah Azza wa Jalla n'a pas encore écrit ça. Et pourquoi tu fais ceci? Qaddar Allah ma sha fa'al. Et ça, tout ça, bien sûr, ce n'est pas vrai. Ils donnent un exemple. Ils disent, par exemple, si quelqu'un, par exemple, est volé, on lui vole son argent, puis bafoué par une personne, par exemple. Ensuite, cette personne qui l'a volé, elle va justifier ses actes par le destin. Elle va dire, ne me blâme pas, par exemple. Mon hostilité envers toi était prédestinée par Allah. Mon vol là était prédestiné. Hein? Ne m'en veux pas. C'est Allah qui a écrit que je te vole. Est-ce qu'on va accepter ça de lui? Jamais. Jamais on va accepter cette justification de l'agresseur. Donc pourquoi cet individu n'accepte pas le destin comme justification lorsqu'il est agressé, alors qu'il accepte facilement lors de ses péchés, il accepte يعني ses péchés, il accepte يعني de ne pas faire ses devoirs religieux et dire que c'est Allah Azza wa Jal qui a écrit ça. Donc voilà une grande erreur dans laquelle يعني tombent les gens. لكن ها هنا امر مهم جدا انبه عليه وهو اخر ما نختم به فيما يخص المراجعة تاع اليوم هو ماذا؟ هو أن أهل السنة والجماعة قالوا يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر هذا في موطن واحد فقط. ما هو؟ إذا تبت إلى الله عز وجل وكانت نيتك صادقة. فإذا تبت إلى الله عز وجل تستطيع أن تحتج بالقضاء والقدر. يعني مثلا لو أن أحدا مثلا كان مثلا يسرق قبل أن يتوب، أو كان يفعل المحرمات كثيرا، أو كان يشرب الخمر أو ثم تاب إلى الله توبة نصوحة وأصبح ماذا؟ أصبح مثلا من مستقيمين ومن ملتزمين. ثم قال له مثلا إنسان: ألست كنت تفعل كذا وكذا؟ ألست كنت تفعل كذا وكذا؟ يقول: نعم كنت أفعل، قدر الله ما شفعل. أنا الحين والحمد لله تائب وراجع عن ذلك ونادم، فهنا يجوز أن تقول قدر الله ما شفعل. لكن إذا كنت ما زلت تفعل المعصية، إنسان ما زال يفعل المعصية وزجاجة الخمر هكذا عنده وهو يشرب ويقول قدر الله ما شفعل، يعني الله عز وجل لم يهديني إلى آخر ذلك، فهذا حرام وكذب على الله سبحانه وتعالى وبهتان عظيم. فلهذا لا يجوز أن يستعمل هذه اللفظة قدر الله ما شفعل إلا بعد التوبة من الشيء الذي فعله. دونك السنة والجماعة on dit pour terminer on peut dire قدر الله ما شفعل aussi en ce qui concerne les péchés, mais seulement dans un cas et un seul, lequel? Si on fait le repentir de ce péché. Lorsqu'on fait le repentir d'un péché et qu'on n'a plus l'intention d'y revenir, de refaire ce péché, ensuite, si par exemple quelqu'un nous dit: toi tu faisais ceci ou tu faisais cela yani, avant de commencer à pratiquer, etc., tu lui dis: certes je le faisais, naam je le faisais, et qaddara Allahu ma sha fa'al, qaddara Allahu ma sha fa'al, c'était écrit que je le fasse, qaddara Allahu ma sha fa'al. Pourquoi? Parce que tu l'as dit après avoir fait le repentir. Tu n'as pas justifié le péché par le destin. Tu l'as fait, tu après avoir fait le repentir, tu as fait ce que Allah aime. Allah aime que tu repentisses, tu t'es repenti, alhamdoulilah, tu dis qaddara Allahu ma sha fa'al. Mais rester à faire yani les péchés et faire le péché sans faire le repentir et dire que qaddara Allahu ma sha fa'al, là qaddara Allahu ma sha fa'al, c'est Allah qui a écrit que je ne fasse pas la prière, c'est Allah qui a écrit que je fasse les péchés, c'est Allah qui a écrit que je vole, et toi maintenant tu ne fais pas la prière et tu voles et tu fais les péchés, ça ce n'est pas accepté. Mais les ulama pires disent c'est un deuxième péché, parce que tu as menti sur Allah Azza wa Jal. Tu as dit que c'est lui qui m'a dit, qui m'a contraint à faire le péché, c'est lui qui m'a contraint à ne pas faire la prière, etc. On avait montré la fois passée que, et on le montre aujourd'hui aussi, on le redit parce que c'est important, que tout ce qui est bien, tout ce que Allah Azza wa Jal aime, ça, quand tu le fais, Allah Azza wa Jal aime que tu le fasses et il t'aide à ce que tu le fasses. Et tout ce que Allah Azza wa Jal n'aime pas, et tous les péchés bien sûr, il n'aime pas les péchés, si tu les fais, c'est pas parce que Allah Azza wa Jal t'a contraint à les faire, jamais grand jamais. Allah Azza wa Jal, s'il te contraint à faire un péché, tu peux le jour du jugement dernier, non, est-ce que vous pouvez me remplacer à mettre un poireau, je dois à la mosquée. Non, va à la mosquée, Inch'Allah. Si je pouvais, j'enlevais les points rouges à tout le monde. Mais une fois j'ai laissé seulement 5 minutes la salle sans points rouges, il y a un diable qui est rentré et nous a fait des problèmes. Mais sinon j'aurais enlevé les points rouges à tout le monde. Je n'ai aucun bien à mettre les points rouges aux autres. Je vais enlever à quelqu'un, par exemple, je connais depuis longtemps ici, pour que s'il y a quelque chose, il me fait signe. Par exemple, j'enlève à Anka Boutada, ça fait longtemps qu'il est là, Om Lokman, etc. Il y a beaucoup de musulmans normal, Om Salam, Bilal Salafi, tous ce sont des anciens, d'après ce que je vois. Bon, allez au Saliha Aydan. Wallah, l'Anka Bout. Anka Bout. Non. Un kabout, s'il y a quelque chose, ou la barakallahu fik, tu me fais signe. Par exemple, s'il n'y a pas de sang, il y a quelque chose qui dérange. Le mohim, j'ai oublié ce que je voulais dire. Un kabout, qu'est-ce que je disais dernièrement? Naam, Inch'Allah. Un kabout, qu'est-ce que j'ai dit la dernière phrase? Ou là, j'ai oublié ce que je disais. Je parlais de quoi exactement? Est-ce que tu peux me rappeler? Je sais que je parle du destin, etc., mais exactement quoi? J'ai oublié. لا مش طالع جيم sur le fait de Naam, qaddarallahu ma sha fa'al. Par exemple, si Naam, si Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui contraint quelqu'un à faire les péchés, hein? Si on va faire une iftira d'une supposition, c'est Allah Azza wa Jalla qui va shukran al-ankabut, c'est lui qui te contraint à faire les péchés, comme disent les jabriya, les égarés. C'est une secte qui s'appelle Jabriya, sont des égarés. Il dit c'est Allah qui nous contraint. Si c'était Allah qui nous contraignait, alors tous on aurait un argument le jour du jugement dernier. Si Allah Azza wa Jalla va me dire pourquoi tu n'as pas fait la prière, je lui dirai tout simplement, ya Allah, parce que c'est toi qui m'as contraint. Toi tu as écrit dans le tableau préservé, Louh al-Mahfouz, tu as écrit que je ne fasse pas la prière. Comment veux-tu, Allah, que je la fasse? Il va me dire, toi, pourquoi, par exemple, tu as bu de l'alcool le jour X? Je lui dirai, oh Allah, tu sais bien que c'est toi qui m'as contraint. C'était écrit dans le tableau préservé. Pourquoi aujourd'hui tu me poses cette question et pourquoi tu vas me rentrer en enfer? C'est toi qui m'as contraint. Et à chaque fois qu'il va me dire quelque chose, je vais lui dire, c'est toi qui m'as contraint. C'était dans le tableau préservé de Louh al-Mahfouz. Alors vous savez que ce n'est pas possible qu'on puisse dire cela à Allah Azza wa Jal. وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. Donc voilà une grande preuve que quoi? Une grande preuve que ce n'est pas lui qui a écrit ces choses-là, mais c'est toi qui as fait ces choses-là. Et là, si tu veux, on doit dire une chose, il a écrit ces choses-là, yani, en ce sens qu'il savait que tu allais les faire. Il savait, il a écrit d'avance, c'est tout. Mais il t'a pas dit fait, au contraire, il t'a dit attention, fais pas cela, j'aime pas ceux qui font cela, j'aime pas les buveurs d'alcool, j'aime pas ceux qui font les voleurs, j'aime pas les tricheurs, j'aime pas les menteurs, j'aime pas ça. Il t'a, bien au contraire, il nous a dit attention, ne faites pas ces choses-là, je les aime pas. Donc voilà une grande preuve que c'est pas Allah Azza wa Jalla qui nous a contraints à faire les péchés, alhamdulillah. قلت ومن أعظم الحجج على أن فرقة القدرية فرقة الجبرية على ضلال مبين هو ماذا؟ هو أنه لو كان الله عز وجل هو الذي أجبرنا على فعل المعاصي لكان لكل أحد منا حجة يوم القيامة، حجة بيده، حجة بالغة. ما هي؟ إذا قال لك الله عز وجل لما فعلت كذا ولما عصيت ولما زنيت ولما شربت الخمر ولما كذا، ماذا تقول؟ تقول يا الله أنت الذي كتبت علي هذا، أنت الذي كتبته في اللوح المحفوظ. يا عبدي لماذا لم تصلي؟ يا رب كيف أصلي وقد كتبت في اللوح المحفوظ أني لا أصلي؟ يا عبدي لماذا زنيت؟ يا ربي كيف لا أزني وأنت الذي كتبت في اللوح المحفوظ أني أزني؟ وهكذا. لكن هذا غير الصحيح، ولله الحجة البالغة. الله عز وجل أبدا ما كتب عليك أن تفعل ذلك، إنما كتب في اللوح المحفوظ أنك ستعلم ذلك بناء على ماذا؟ على علمه الأزلي، لأن علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة علم ماذا ستعمل وماذا سنعمل وكل الناس ماذا سيعملون إلى يوم القيامة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ فقط، لكن لم يلزمنا بفعل شيء أبدا، لم يلزم، بل نهانا وبين لنا أنه لا يحب الكاذبين، لا يحب الزونات، لا يحب السراق، لا يحب السحرة، لا يحب الخداعين، لا يحب الغشاشين، وهكذا. إذن كونه لا يحب، هذا دليل أنه كيف من جهة لا يحب الذي يسرق ثم يجبرون على النسرق، معاذ الله، هذا ليس بصحيح ولا ينبغي أن يكون. أظن أننا نكتفي اليوم بهذه المعلومات، وإن كانت قد قلناها من قبل، لكن لأنها هامة جدا، لهذا أحببت أن أكررها عليكم. وإذا كانت عندكم إن شاء الله بعض الأسئلة فيما يخص القادة والقادر هذا أو في العقيدة، فإن شاء الله تفضلوا، وأنا أعطي نشوف بعض الناس نحيلهم الأحمر حتى تكتبوا إليهم، وهم هذا يستطيع أن يكتبوا إليه، ما أدري، أنا بعد 5 دقائق إن شاء الله أعطيكم الكلمة، فمن شاء يرفع يده ويتكلم مباشرة، ومن شاء يرفع يده ويكتب على الشاشة إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ العنكبوت، العنكبوت تسمعوني؟ شوف إذا تسمعوني. نعم، تعرف تدير القاعة؟ تعرف تدير القاعة؟ وأعطيك الرقم السري تدخل وتديرها، لأني لابد أن أغيب ربع ساعة، ربع ساعة أذهب يعني إلى مكان هنا وأرجع إن شاء الله في ربع ساعة، شيء ضروري. تعرف تدير حتى إذا دخل واحد ولا يعني يطرد ولا تعرف؟ آه ما يفهم كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله. Je voudrais savoir votre avis sur le fait de participer à un mariage d'une personne qui a quitté une terre d'Islam pour se marier et vivre dans le Bilad al-Kufr. Est-ce qu'il est permis de participer au repas de ce mariage qui se passe dans ma famille? Ce repas, akhi muslim, ce repas se passe où, dans Bilad al-Kufr ou là, yani dans ta famille, dans Bilad Islam? Où se passe ce repas? Le temps, Inch'Allah, qu'il écrive. Ah, le repas se passe en France. Inch'Allah, attends, je vais te répondre. Quel est le deuxième qui a une question à poser? Quel est le deuxième qui a une question à poser? Au moins qu'il lève sa main. Qu'il lève sa main, afin qu'on sache qu'il a une question à se poser, ou bien qu'il l'envoie, par exemple, à l'Ankabout, Riyad, pour ça. Il l'envoie et les autres l'envoient. Parti d'Algérie pour venir en France. C'est en France, le repas se passe en France. والله يا هاد لا كيسيون يعني لا كيسيون ان المام يعني كومون ديراج يعني با تري كلير يا با اون ريبونس كوم سا يعني سبيسيالمون سور سيت كيسيون اون اسلام يا با اون كيسيون سبيسيالمون سور سيت كيسيون لكن اون جينيرال اون جينيرال تو tu vois يعني si le mariage هذا par exemple c'est un mariage de le mariage en lui-même c'est un péché par exemple. C'est le mariage en lui-même, c'est un péché. Ensuite, tu vas toi t'asseoir avec des gens, il y a de la musique. Si le repas lui-même, pardon, chez le mariage, si le repas lui-même contient un péché, le fait d'aller t'asseoir, le fait d'être femme et homme dans un ikhtilat, c'est ça ce qui n'est pas permis. Ensuite, lui, quand il est parti pour se marier là-bas. Yani pour tu as dit pour vivre là-bas, alors qu'en principe il ne doit pas faire cela, mais la question est franchement yani est un peu difficile. Tout ce que je sais c'est que bon, c'est elle qui vient ici pour quitter le bled. C'est elle qui vient en France, c'est ça, elle vient en France pour quitter l'Algérie. Yani voilà, oui, laisse-moi inchallah. Je vais réfléchir, inchallah, et demain je vais donner la réponse. Parce que, inchallah, demain on a un dars. Demain, inchallah, je vais donner la réponse. Inchallah ta'ala. Attends, je vais écrire sur le cahier ici pour ne pas oublier. Attends. Naam. Bilal Salafi, tfadal. Bon, Bilal Salafi ne parle pas. Pour sœur, tfadal. Ah, c'est là. Salam alaikum. Quand on arrive à la prière en groupe avec l'imam, dans la dernière rakat, et qu'on n'a eu aucun rakat avec l'imam. Et ensuite. Tout seul. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat salam al-Ashraf al-Mursalin. Quand tu arrives avec l'imam, à la dernière, je trouve là, à la dernière rak'at, et qu'on n'a eu aucune rak'at avec l'imam. L'imam, il dit salam alaikum, et toi tu lèves et tu fais toutes les rak'at que tu n'as pas faites. Parce que tu n'as rien eu avec l'imam. L'imam dit salam alaikum, et toi, elle dit si dans 5 secondes il va dire tu n'en pas. Je veux dire, quand tu rentres la sunna, c'est de rentrer avec l'imam. Même s'il reste par exemple 5 secondes, il est en train de faire le tashahhud de l'imam. Il reste 5 secondes pour qu'il dise salam alaikum. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Allahu Akbar debout, Allahu Akbar, tu t'assois et tu commences à faire le tashahhud. Lui, il dit salam alaikum, toi tu te lèves et tu fais toutes les rak'at parce que tu n'as rien yani, eu avec lui. Voilà, donc la sunna, ce n'est pas d'attendre qu'il dise salam alaikum pour que tu fasses la prière seul. Mais la sunna, c'est de rentrer avec lui, car si tu rentres avec lui et il est en train de faire le tashahhud, il n'a pas encore dit salam alaikum, là je t'écris que tu as, inshallah ta'ala, tu as eu la prière de la jama'a. La prière de la jama'a. Min nisba qult min sunnan al-insan idha wasal ila al-masjid an yadkhul ma'a al-imam. Non, après tu ne recommences pas, Bilal, après tu ne recommences pas. Ça y est, tu l'as fait, comme pour la salat du vendredi. Non, c'est pas comme la salat du vendredi. Même la salat du vendredi, tu la commences pas, tu la recommences pas. La salat du vendredi, quand tu arrives avec l'imam, tu arrives avec l'imam, si tu prends une raka avec lui, tu ajoutes une raka. Si tu prends moins d'une raka, ça, tu ne prends rien ou tu prends seulement une inclinaison, tu fais quatre, yani le dhohr. Mais cette salat, c'est pas la même chose. Cette salat, si tu prends quelque chose, tu arrives avec l'imam avec quelque chose, tu termines là où tu t'es arrêté. Si tu n'as rien eu avec lui, bien sûr, tu fais toute ta salat de nouveau. Mais si tu n'as pas compris, dis-moi, il faut que je te répète ça. Maintenant, si tu comprends l'arabe, je vais parler un peu en arabe, peut-être tu vas comprendre. Bilal, tu comprends l'arabe? Est-ce que tu comprends l'arabe, Bilal? Est-ce que tu comprends l'arabe? Ah, tu as compris, jazakallahu khair. Moi, je répète en arabe, inshallah ta'ala. Idha wasaltu ana ila al-masjid min sunna an adkhul ma'a al-imam kama dhakarna fi al-hadith al-marra al-madhiya, an taf'al tadkhul 'ala al-hal allati yakun fiha al-imam, hatta wa in kana al-imam jalisan fi at-tashahhud, at-tashahhud al-akhir, la taqul khalas hadha rah yusallim, khalli yusallim thumma usalli wahdi. La, taqul Allahu akbar wa anta qa'im, thumma Allahu akbar wa tajlis wa tushahhid ma'ahu, tatashahhad ma'ahu. ثم هو يقول السلام عليكم وانت تقوم تصلي يعني كل الركعات لأنك لم تقبض يعني لم تدرك مع الإمام شيئا. هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة. بوكسور تفضل. الله Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai 4 questions de la part de son, inshallah, pour les réponses en français, inshallah, barakallahu fikum. En français, inshallah, ma fille mouchkil. Est-ce qu'une épouse est en droit de réclamer son haq au niveau du temps que lui accorde son époux, ainsi que de réclamer son haq quant à l'apprentissage de la science? D'abord, avant de répondre, j'ai une question. Il y a une sœur qui m'a posé une fois une question sur mon adresse personnelle, et je lui ai pas encore répondu parce que je veux lui répondre comme ça directement, parce que lui écrire c'est un peu compliqué, je peux pas lui expliquer ce que je veux dire, mais comme ça en parlant peut-être que j'explique mieux et c'est plus facile. Cette sœur, je ne sais pas si elle est là, elle fait un signe à pour sœur, hein? elle écrit à pour sœur, elle lui dit je suis là. Cette sœur, c'est celle qui, elle est présente. D'abord je vais dire son cas, peut-être que ce n'est pas elle. C'est une sœur qui a un problème, le divorce avec son mari, que si je me rappelle bien, non, ils se sont séparés et puis il n'a pas encore divorcé. Ça fait presque une année qu'il n'est pas venu. Ensuite, la mère de ce mari est venue dans le pays de la femme et elle ne lui a pas parlé de. Ensuite, la sœur du mari a demandé à cette femme si elle veut revenir, etc. Est-ce que cette femme est là? Est-ce que, pour sœur, tu as dit elle est présente. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là dont je parle? Est-ce que c'est celle-là dont je suis en train de parler? Si c'est elle, parce que il y a aussi une question d'une autre sœur. Et moi je parle. Non, ce n'est pas la même. Voilà, ce n'est pas la même. S'il y a une autre, je ne sais pas laquelle. Il y a une autre qui dit que elle a un problème avec ses parents à cause du foulard. Et ils veulent qu'elle enlève son foulard, qu'elle montre ses cheveux pour faire ses études. Si c'est celle-là aussi, si elle est là, je vais lui répondre parce que ça fait longtemps que j'ai gagné sa lettre. El-Mohim, je réponds d'abord, Inch'Allah, à la première question qui dit, est-ce qu'une épouse est en droit de réclamer son haq au niveau du temps que lui accorde son époux, ainsi que réclamer son haq quant à l'apprentissage de la science? Non. Abou Mohamed a dit c'est bon pour la sœur. Abou Mohamed, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu vas dire. Ma femme transmettra. Quelle sœur, Abou Mohamed, la première femme, celle du divorce, etc. La deuxième, celle du foulard. Est-ce que c'est celle du foulard, Abou Mohamed? Mais le malheur, c'est que cette femme, ou la jeune femme a dit du foulard, je ne suis pas sûr que c'est celle, yani, dont tu parles, toi. Je ne suis pas sûr. Parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Abou Ishaq, c'est lui qui m'a envoyé cette. Je ne crois pas que ce soit elle. J'ai peur que je te réponde si ce n'est pas elle. Oui, je ne sais, je ne suis pas très sûr. Je peux te dire la réponse, mais je préfère. Mais je pense que c'est elle, son père l'a fait pour qu'elle m'enlève. Oui, je crois que c'est elle là. Attends, est-ce que Hadi, yani, ça fait deux fois qu'on lui demande sa main. On lui demande sa main pour le mariage, et elle a dit voilà, c'est une occasion pour yani, m'éloigner des problèmes. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Ça fait la deuxième fois qu'on lui demande la main pour le mariage. Est-ce que c'est elle? Non, je crois pas. Chef Abou Mohamed, yani, les problèmes sont tous se ressemblent, mais il y a un foulard ou là quelque chose qui fait la différence. Khair Inch'Allah. Khair Inch'Allah, quand elle sera là, je ne réponds pas yani, encore pour la deuxième fois. En ce qui concerne la question de la première. Oui, oui, la femme a le droit de réclamer son haq et son droit en ce qui concerne le temps pour son mari. Pourquoi? Parce que le prophète a dit inna li zawjika 'alayka haqqan. Inna li zawjika 'alayka haqqan. Ça veut dire à peu près en français, ton épouse a yani, des droits, un droit sur toi en ce qui concerne le temps. Ton épouse a le droit sur toi en ce qui concerne le temps. Inna li zawjika 'alayka haqqan. Pas seulement le temps, mais toute chose. Bien sûr, Allah a le droit que tu sois avec elle à la maison, elle a le droit que tu la fasses sortir, elle a le droit que tu restes avec elle pour parler des problèmes, elle a le droit. De toute façon, la femme, l'épouse, a le droit, bien sûr, sur son homme, sur son époux, et bien sûr, elle a le droit en ce qui concerne aussi le temps. Hein. Elle s'est mariée avec lui, elle s'est pas mariée avec ses amis pour qu'il passe tout son temps avec ses amis, lui, dans la rue, je ne sais pas où. Pour qu'il soit à la maison pour parler, pour partager les problèmes, pour parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, et de. Ensuite, elle a aussi le droit de réclamer son haq quant à l'apprentissage de la science. Ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam a dit La tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. N'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Et pourquoi la femme va à la mosquée? Pas seulement pour la prière. La preuve, elle peut faire la prière à la maison. Mais pour apprendre. Donc elle a le droit de lui dire tu dois m'apprendre et si toi tu ne sais pas, tu n'as pas de science, tu me prends à la mosquée pour apprendre ce que Allah Azza wa Jal a obligé qu'on sache et qu'on apprenne, parce que sans le ilm, on va rentrer dans les péchés qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que Allah Azza wa Jal par exemple a interdit, donc on va faire les interdictions, ou on ne sait pas ce que Allah Azza wa Jal a ordonné, donc on va laisser les choses qu'il a ordonnées. Et dans les deux cas, on est dans les péchés. Donc, il est de son droit de quoi ? De lui demander qu'il lui fasse apprendre surtout les choses qui ont rapport avec la religion. Wallahu ta'ala alam. Quelle est la deuxième question, professeur ? Quel est le jugement de l'époux qui ne donne pas la dot à sa femme et qui de sur quoi en épouse une autre? Non, tout époux qui rentre, yani, qui fait la nuit nuptiale, hein, qui rentre yani, et fait ce que fait l'époux avec l'épouse, il est obligé de donner toute la dot. Toute la dot, il est obligé de la donner s'il s'il fait la nuit nuptiale, il est obligé de donner toute la dot. Donc la dot, c'est maintenant un droit, c'est son droit, et c'est un dain, c'est une dette, qui est sur l'épaule de son premier époux. S'il ne veut pas la donner, elle peut même la prendre de force, c'est-à-dire par le droit, par le biais du tribunal, bien sûr, quand c'est un tribunal musulman. Elle a le droit d'aller déposer plainte pour que le qadi, le juge, lui fasse enlever la dot et la donner à la première épouse, parce que c'est son droit. S'il la donne pas, et tu peux pas la faire obtenir ni par le juge ni par une issue valable, tu l'auras inshallah ta'ala le jour du jugement dernier, parce que le jour là personne ne pourra rentrer au paradis avant qu'il ne paye ses dettes, et voilà, toi tu as une dette, voilà, quelqu'un est endetté envers toi, donc le jour du jugement dernier il est obligé de te donner pas de l'argent mais des hasanat, des bienfaits. S'il n'a pas de bienfaits, toi tu lui donnes les malfaits et les sayyi'ats que tu as. Elle demande s'il y a divergence par rapport à cela, à la dot. Je n'ai pas compris si elle parle de est-ce qu'il y a divergence, est-ce qu'il doit donner ou ne doit pas donner. Si c'est cela la question, il n'y a pas de divergence. Ils sont tous unanimes pour dire qu'il doit donner la dot. Quiconque épouse une femme et puis rentre, hein, des fois il l'épouse seulement sur papier, il n'y a pas la nuit nuptiale, la première nuit il n'y a pas. S'il n'y a pas, il n'est pas obligé de donner toute la dot. On va voir si c'est lui qui a divorcé. Il donne, si c'est elle qui a dit je ne veux plus de lui. On voit s'il a un défaut. Il donne seulement la moitié. Mais si c'est lui qui a dit ça y est, je ne veux plus cette femme, il faut qu'il donne une partie de la dot. Mais s'il rentre, là il fait la nuit nuptiale, il est tout obligé dans tous les cas de donner la dot. Tous sont unanimes pour dire il est obligé de donner la dot s'il fait la nuit nuptiale. ما ادري هل احتاج الى ان اتكلم بالعربيه او ان الكل يفهمون اللغه الفرنسيه. اذا كان الكل يفهمون اللغه الفرنسيه فلا احتاج الى ان اترجم، والا فيكتبون الى الاخت ويطلبون العربيه حتى اترجم. بارك الله فيكم. Quel est le jugement de l'époux qui sans cesse demande à son épouse de lui trouver une autre femme alors que ceux-là sont, si la femme, elle ne sont pas capables et ne souhaite pas lui rendre ce service, doit-elle le faire sous la contrainte de l'époux, même si c'est douloureux pour elle? Je crois que Allah Ta'ala alam, qu'elle n'est pas obligée de lui rendre ce service, et que la femme par nature est jalouse, la femme par nature est jalouse, et par nature elle ne veut pas la deuxième femme par nature, et alors il n'y a rien qui dit que c'est elle qui va lui chercher la deuxième femme. Yani, au maximum elle lui dit, puisque tu veux la deuxième femme, c'est toi qui vas la chercher, c'est pas moi qui va te la chercher, parce que ce n'est pas obligé. Il n'y a ni un hadith ni un verset qui disent qu'il faut que ce soit elle qui lui cherche. Et tout le monde sait que la femme est jalouse et qu'elle n'accepte pas. Je dis qu'elle n'accepte pas, elle accepte parce que Allah Azza wa Jal a permis. La femme doit accepter parce que Allah Azza wa Jal qui a dit ça dans le Coran. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas dit qu'elle ne doit pas être jalouse. Même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes étaient jalouses en ce sens. Yani, étaient jalouses en ce sens. Mais elle acceptait. Ça veut dire que puisque Allah Azza wa Jal a dit que c'est permis et que lui il veut se marier, moi je ne peux rien faire. Mais ça soit elle qui aille lui chercher une femme, ça, il n'y a aucun alim qui a dit ça. Il n'y a aucun alim qui a dit qu'elle est obligée qu'elle lui cherche une femme. Tfadli, ma huwa soual akhir, inshallah. Bon, c'est tendu, et tu peux me dire que la chirurgie, parce que l'on ne sent pas bien dans sa peau. Non, suite à plusieurs grossesses, Laurent. Suite à plusieurs grossesses, le ventre s'est distendu et il permet de recourir à la chirurgie esthétique pour plaire à son mari et parce que l'on ne sent pas bien dans sa peau. Franchement, je ne connais pas la réponse à cette question spécialement. Je sais que Cheikh Ibn Uthaymeen Ali Rahmatullah dit que on fait l'esthétique quand c'est quelque chose, quand on a un défaut, pas pour devenir beau, mais quand on a un défaut. Par exemple, on a par exemple des dents par exemple qui sortent comme ça, ou bien on a par exemple un nez par exemple qui descend beaucoup, qui nous gêne de manger, etc. Ça, on peut faire l'esthétique à cause de enlever un défaut et non pas à cause de pour devenir beau et pour devenir belle. Il y a une grande différence quand on fait l'esthétique pour enlever un défaut, on fait l'esthétique pour devenir beau. Maintenant, est-ce que quand elle va faire cela, est-ce que parce qu'elle veut, elle va enlever un défaut, mais là elle dit que c'est pour plaire à mon mari, je suis pas très sûr que c'est valable, mais je vais inchallah marquer cela pour donner la réponse inchallah la prochaine fois. Wallahu ta'ala alam. S'il n'y a plus de questions, on donne la parole à Abou Mohamed et peut-être je reviens après pour ça. Tfadal Abou Mohamed. Tfadal, j'ai une dernière question pour les sœurs, puis je vais aussi notre frère. Si elle est écrite, fais la coller avant que je donne la parole à Abou Mohamed. Le prophète Ali a dit pas de divorce lorsqu'on ne sait pas ce que l'on dit. De même, celui qui est ensorcelé, son divorce n'est pas valide car il ne sait pas ce qu'il dit. De même, celui qui est très en colère, qui ne sait plus ce qu'il dit, ne se contrôle pas. Son divorce n'est pas valide. Hein. Où est la question, Inch'Allah, j'attends la question. Une sœur demande si le hadith suivant est sahih. Ah, jazakallah khairan. Et maintenant j'ai compris. Je connais un hadith en ce sens, mais le mot ensorcelé, si tu veux dire sihr, ensorcelé, yani le sihr, la sorcellerie, je ne connais pas un hadith qui dit ensorcelé. Je sais qu'il y a un hadith qui dit que la talaqa fi irlaq. La talaqa fi irlaq. Yani, quand on a le cerveau qui est ikhlas, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qui sort du cerveau, le mariage n'est pas valide. Mais comme ça, yani, avec ce sens, ensorcelé, moi je comprends, mishour, sihr. je ne connais pas un hadith qui dit yani, comme ça, en sorcellerie, yani, le sihr. Moi, je connais le hadith qui dit la talaq fi irlaq. Yani, quand on a le cerveau fermé, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qu'on fait. Le mariage n'est pas valide. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mot ensorcelé hada, franchement, je yani mashour, si ça veut dire mashour, je l'ai jamais vu dans un hadith. Wallahu ta'ala alam. Tafaddal la akh Abu Muhammad. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Tu sautes inchallah. نعم سائلة تسأل يا شيخ est-ce qu'on doit mettre un khimar sous le jilbab même si on porte le sitar car Cheikh Albani l'a rendu obligatoire ainsi qu'Ibn Kathir est-ce qu'on doit mettre un khimar sous le jilbab même si on porte le sitar car Cheikh Albani l'a rendu obligatoire هل على النساء أن تضعنا الخمار تحت الجلباب لأن الشيخ الباني قال أنه واجب لأن الشيخ الباني قال أنه واجب بارك الله فيك Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallah, exactement où Cheikh Al-Albani a dit ça, je ne sais pas. Moi, j'ai lu presque tous ses livres, toutes les cassettes, je les ai presque toutes entendues. Je ne me rappelle pas exactement où il a dit ça. Peut-être qu'il a dit ça dans Shorot al-Jilbab ou Shorot al-Hijab, parce qu'il a deux livres, le Hijab ou le Jilbab. Mais ce que je sais, c'est que le khimar, quand on le met pour à cause des cheveux. C'est-à-dire, on a peur, par exemple, si le Jilbab tombe. Yani, il y a les cheveux qui envoient les cheveux. Mais c'est pas une obligation, ça veut dire que c'est une adoration. Ibadahari. Si on le met, c'est pour, par exemple, cacher ses cheveux, afin que, si on met ensuite le jilbab sur la tête, par exemple, on le tire par derrière, il tombe. Là, on a, quoi? On a pas la partie, yani, la partie de devant des cheveux qu'on peut voir, parce qu'il y a un khimar dessus. Mais si Cheikh Al-Albani a dit obligatoire, obligatoire en ce sens que c'est une adoration. L'obligatoire c'est que tu sois caché afin que on ne voit ni tes cheveux ni on ne voit rien de toi. Voilà l'obligation, c'est que tu sois caché avec bien sûr la divergence des ulama sur le visage. Mais comme ça, yani, cacher les cheveux yani, pas avec un khimar parce que c'est une adoration, je ne connais pas ça. Je sais que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné à la femme de cacher ses cheveux. Maintenant, si elle les cache avec quoi que ce soit, de façon à ce qu'on ne voit pas les cheveux, et que ce quoi que ce soit, yani, contienne bien sûr les conditions, pour pas par exemple que ça soit une zina, hein, on met par exemple un foulard à cause, c'est un foulard à la mode par exemple, il contient des étoiles, il contient ceci, deuxièmement il faut pas qu'il soit transparent, il est transparent, on va voir les cheveux. Troisièmement, il ne faut pas qu'il soit attirant. Hein, s'il est très attirant, tout le monde commence à regarder envers cette femme, etc. Voilà ce que je sais sur la façon de cacher les cheveux. Wallahu ta'ala alam. Je ne me rappelle pas très bien où a dit ça l'Albani. Si elle sait exactement où elle l'a dit, qu'elle me le dise pour que je retourne au livre, inshallah ta'ala. Tafaddal l'akh Hakim. Salam alaikum, j'ai deux questions. La lumière est-elle un attribut sifat d'Allah et l'obligation de prier assis derrière l'imam qui prie assis est-elle abrogée? Moi j'avais dit auparavant que si personne ne m'écrit ou n'écrit à une sœur ou là pour que je traduise en arabe, ça veut dire que tout le monde comprend le français et que c'est pas la peine que je traduise. Car si quelqu'un dit je comprends pas le français, j'ai dit qu'il demande ou qu'il écrit afin que je traduise. Je traduis d'abord ça en arabe. Ana kontrolt min qabl انه اذا فيه من لم يفهم اللغه الفرنسيه على الاقل فليخبرنا يكتب مثلا الى احد الاخوه اللي ما عندهمش نقطه حمراء يكتب لهم يعني يقول لهم اريد عربيه والا فان السكوت هذا دليل على ان الكل ان شاء الله تعالى يفهم اللغه الفرنسيه هذا دليل على ان الكل يفهم اللغه الفرنسيه والله تعالى اعلم فيما يخص En ce qui concerne la réponse à cette question, je commence par la deuxième question. Quand quelqu'un fait la prière assis, quand l'imam fait la prière assis, on regarde d'abord, est-ce qu'il a fait la prière en étant assis, est-ce qu'il a commencé, il l'a commencé assis. Parce qu'il y a une grande différence quand il commence la prière assis et quand il commence debout, ensuite il la fait, yani il s'assoit au milieu de la salat. Donc je répète, d'abord il faut voir la différence entre quand un imam commence la prière debout par exemple, ensuite il va s'asseoir. Et contre un imam, yani la deuxième des choses, l'imam quand il commence la prière debout, il a commencé assis directement. Donc, il y a là une grande différence. Comment cela? Les ulama ont dit, Cheikh Al-Albani et les autres bien sûr ont dit, si l'imam commence la prière assis, tout le monde doit s'asseoir et ce n'est pas abrogé. Si l'imam commence la prière assis, yani par exemple iqama qad qamat salat qad qamat sallahu akbar allahu akbar, ensuite on est tous debout, ensuite imam va s'asseoir avant de dire allahu akbar, avant de commencer la prière il va s'asseoir, tous on est obligé de nous asseoir, on va s'asseoir, pourquoi? Parce que l'imam s'est assis, on va faire la prière assis derrière lui, c'est comme ça la sunna. Mais si l'imam a commencé à faire la prière debout, ensuite au milieu de la salat il a eu un mal ou un malaise etc, il s'est assis, qu'est-ce qu'on fait? Les ulama ont dit tu n'es pas obligé de t'asseoir. Pourquoi? Parce que l'imam était debout, ensuite il a eu un malaise, il s'est assis, donc là toi tu fais la prière debout parce qu'il y a un hadith qui dit ceci. Donc voilà le juste en ce qui concerne cette chose, on voit d'après l'imam. Si l'imam a commencé assis, tous on commence assis avec lui. Et si l'imam a commencé debout, et nous debout, ensuite il s'est assis, on n'est pas obligé de nous asseoir. Voilà, yani, le qawl al-haq, le vrai, yani, madhab, dans cette position-là. En ce qui concerne, première question, salam alaikum, la lumière est-il un attribut sifat nor? Nor, yani, hal hiya sifat min sifat Allah Azza wa Jal? Oui, la lumière, c'est un attribut, sifat min sifat Allah Azza wa Jal, wa hiya sifat dhatiya. Sifat, les sifat, il y a plusieurs genres, sifat fi'liya, sifat dhatiya, sifat khabariya, sifat ma'nawiya. Hadi sifatun dhatiya, wa lisat fi'liya. Sifatun dhatiya, lillah Azza wa Jal, thabita bil kitab wa sunnah. في القرآن الله نور السماوات والأرض وقال وأشرقت الأرض بنور ربها وفي الحديث الصحيح إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره وقال مثل نوره وقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وكذا. Donc la vraie والصحيح والأرجح أن النور صفة من صفة الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم وهي صفة ذاتية. اتفضل الأخ حكيم كبر. بوكسور تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. بوكسور توا يعني tu es sûr que c'est elle, Hadi, le mouchkia. Tu es sûr que la sœur Hadi, parce que Yani, voilà ce que je veux dire moi. Quand je réponds à quelqu'un, quand je réponds, Nam, elle est bien présente. Ah, elle est bien présente. Parce que quand je réponds à quelqu'un, s'il connaît pas bien la question, yani, il va prendre une fausse réponse. Parce que par exemple, moi je parle d'une question précise et lui il croit que c'est une question générale comme ça. Il va yani, l'appliquer à tout le monde. Alors que moi je parle par exemple d'une femme précise avec un cas précis, un mari précis, etc. C'est pour ça que je voulais pas répondre. Mais maintenant, si elle est là et elle entend, est-ce que tu veux dire qu'elle est là, pour sœur? Est-ce que tu veux dire qu'elle est là? Si elle est là, fais-moi, écris-moi numéro 1. Non, mais je souhaite même que vous y répondiez, Inch'Allah. D'accord. Moi, comme je suis un peu, je suis le genre qui aime être très sûr. Attends, je vais te lire ce qu'elle a dit. Tu me dis si c'est elle. Si c'était pas une autre, parce que il y a d'autres aussi qui m'écrivent. Va-t'en pour être sûr que c'est elle. Je vais te dire si c'est celle-là, je vais dire ce qu'elle a dit. Voilà, voilà cette femme, ce qu'elle a dit. Si c'est elle, tu m'écris encore elle. Elle a dit, le problème concerne une jeune femme ayant été mariée au mois de juillet 2005. Après plusieurs différends dans le couple, la jeune femme est partie de son domicile conjugal au bout de 5 mois de vie pour aller chez ses parents et elle a pris la décision de ne pas retourner chez son mari. Ensuite, elle a dit, par la suite, une réconciliation a été tentée sans succès avec plusieurs membres de la famille, etc. Est-ce que c'est celle-là? Si tu... Non, c'est bien. Donc, ensuite, elle a dit, donc l'un de ses arbitres a demandé au jeune homme de laisser la fille chez ses parents pour la nuit et de réfléchir à la situation. Mais ce dernier n'est jamais venu jusqu'à aujourd'hui 2006. Ça fait un an que son mari n'a plus donné signe. La jeune femme, voilà la première question. La jeune femme reste-t-elle mariée sachant que le mari n'est jamais venu chercher sa femme et qu'il n'a pas formulé directement ou distinctement le divorce? La réponse à cette question, la femme reste toujours mariée. Cette femme est toujours mariée à ce bonhomme. Pourquoi? Parce que elle n'a pas encore entendu qu'il l'a divorcée. Peut-être que chez Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'elle est divorcée. C'est-à-dire, peut-être que lui, en lui-même, il s'est parlé à lui-même, il a dit tu es divorcé. Mais toi, ça veut dire tu es divorcé and Allah. Mais toi, tant que tu n'as pas entendu, ça veut dire que tu es sa femme. Tant que tu n'as pas entendu qu'il t'a divorcé, il n'a ni téléphoné pour lui dire, ni envoyé une lettre, ni rien. Donc, la réponse à la première question, c'est que tu es toujours sa femme. Ensuite, la mère du jeune homme est venue d'Algérie, mais ne s'est pas présentée pour clarifier la situation de son mari. Dernièrement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, dernièrement, la sœur du jeune homme a demandé à la fille si elle voulait retourner avec son frère, et la réponse a été négative pour plusieurs raisons. Si je cherche les précisions, je lui donne. Dans tout ceci, c'est la parole de la jeune femme contre celle du jeune homme. Wallahu a'lam. Qu'en est-il de cette situation, vu que la fille ne désire plus retourner vivre avec son mari et demande le divorce? Que doit faire la jeune femme et le jeune homme en vue de mettre la situation en clair? Est-ce qu'ils sont divorcés sachant que le jeune homme n'a pas formulé son intention de divorcer et que le délai de viduité est dépassé? La jeune femme peut-elle se remarier? Sinon pourquoi? Ah, donc cette femme ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas dit tu es divorcé, tu n'es pas encore divorcé. Mais elle peut faire bien des choses. La première, quand une femme ne veut pas rester avec son mari et qu'elle a des raisons, personne ne l'oblige à rester. Surtout si les raisons sont religieuses. Surtout si par exemple il marche avec des femmes, si par exemple il boit de l'alcool, si par exemple il demande à faire avec elle des choses que l'Azawjah a interdites, ou bien il ne fait pas la salat, ou bien elle n'est pas obligée de vivre avec lui. Et voilà un hadith sahih. La femme de Thabit ibn Qais, qui s'appelle, certains hadiths disent Jamila, d'autres disent Maryam, elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit la a'tib ala Thabit, je ne me plains pas de Thabit, son mari s'appelle Thabit, je ne m'appelle de Thabit, je ne me plains pas de Thabit, la fi din wa la fi khulu, ni en religion ni en caractère, lakin akra al-kufr ba'd al-islam, mais j'ai peur de yani le kofre après l'islam, j'ai peur de ne pas lui donner ses droits. J'ai peur de ne pas lui donner ses droits. Par exemple, si une femme ne n'aime pas son mari, elle ne peut pas lui donner ses droits. Donc le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, est-ce que tu lui rends sa dot? Il lui avait donné comme dot un jardin. Elle a dit, oui, je lui rends sa dot. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit à son mari, prends la dot. Et il a séparé entre les deux. Donc toi, bien sûr, tu peux faire une chose très simple, c'est quoi? C'est demander la séparation. Demander la séparation. Tu demandes par exemple à ta famille qu'il se sépare. Même si lui, il veut pas divorcer, tu peux se séparer. La première des choses, tu peux dire, je me sépare parce que c'était un abandon de famille. Ça fait bientôt une année, hein, je ne sais rien sur lui. S'il est vivant, s'il n'est pas vivant, il n'envoie pas d'argent, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il dort, je ne sais pas. Deuxièmement, en islam, il n'y a pas une femme qui reste comme ça, comme on dit en arabe, yani mu'allaqa, mu'allaqa, hein. Yani elle reste accrochée, ni mariée, ni libre pour se marier. Il n'y a pas ça en islam. En islam, il y a marié ou il y a prête à se marier, peut se marier. Il n'y a pas comme ton cas, rester comme ça, ni avec un homme, ni pouvoir se marier. Ça, il n'y a pas en islam. Elle demande à qui elle doit le dire. Bien sûr, la chose la plus, comment dire, la plus rasmiya, yani, comment on dit, haja rasmiya, la plus, bon, je ne trouve pas le mot là. Si tu vis dans un pays musulman, tu vas directement au tribunal et c'est le juge qui te sépare. Le juge, quand tu lui dis, voilà, mon mari, ça fait un an, je ne l'ai pas vu, etc., je demande qu'il me sépare, il te sépare directement. Il te sépare sans faire de problème. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans des cas pareils, il est obligé de séparer. Les ulama ont dit, s'il y avait des membres de ta famille et tu fais venir des membres de sa famille, ces deux membres, ta famille et sa famille, peuvent, les ulama ont dit comme Cheikh Ben Taymiyyah radi Allah rahmatullah, peuvent te séparer de lui sans qu'il soit lui, yani, une ghayri ridha. Comment on dit, sans qu'il accepte lui, même s'il n'accepte pas lui. Quand une femme a des problèmes et qu'elle envoie un groupe de sa famille à elle et un groupe de sa famille à lui, et qu'ils se rencontrent, les deux, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent séparer entre l'homme et la femme, même sans que l'homme accepte, même sans que son époux accepte. Après la discussion, après ça, on lui apprend, on lui dit, voilà, on t'a séparé de ta femme, ça y est, il ne reste plus maintenant que vous allez chez au tribunal faire les papiers officiels et vous êtes séparés. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné l'ahliyahadi pour qu'ils puissent séparer. Eux, ils ne peuvent pas, mais c'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné l'ahliyahadi pour être dans un pays non musulman. Ils ne sont pas passés par la mer. Ah, là, c'est une mouchkila. Là. Ils se trouvent dans un pays non musulman, ils ne sont pas passés par la mer. Voilà la mouchkila dont toujours sans accord. Sans son accord. Non, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Moi, j'ai toujours dit, et je dis toujours aux sœurs, même aux frères, attention de faire un mariage sans avoir quelque chose d'officiel. Attention de faire un mariage sans avoir un papier officiel, parce qu'après, ça va vous entraîner dans de grands problèmes. De grands problèmes. Ensuite, la femme va avoir un enfant, et son mari ne veut plus d'elle. Il dit, moi, je ne connais jamais cette femme, je ne l'ai jamais connue, ce n'est pas mon fils ni mon garçon. Parce qu'il n'y a aucun papier qui prouve qu'ils se sont mariés. Ensuite, quand il meurt, il laisse des choses, elle ne peut même pas hériter. Il n'y a aucun papier qui prouve qu'ils sont mariés seulement comme ça. Entre eux, ils ont fait deux témoins, et le père de la fille, etc. Mais comme j'ai dit, ça suffit chez Allah Azza wa Jal, mais ça ne suffit pas ici entre les gens. Ça ne suffit pas ici entre les gens. Donc, à toi, Wallahu ta'ala alam, tu dois yani, exposer ton cas à ta famille, et ta famille, ils essayent de contacter ce bonhomme, ils essayent de contacter. S'il ne peut pas contacter ce bonhomme, je dois voir dans quel pays tu se trouves, dans un pays non musulman. Non, quand tu es dans un pays non musulman, il faut que tu ailles, dans, par exemple, chez un imam, tes parents vont chez lui, etc., pour qu'il te trouve, lui, la solution, parce qu'il n'y a pas en islam une femme qui peut fermer, qui va vivre comme ça, ni mariée, ni elle peut se marier. Elle n'est pas mariée, il y a pas, elle est mariée, il n'y a pas de mari, et elle ne peut pas en même temps se marier parce que on ne l'a pas vu, etc. On ne sait pas où il est. C'est pour ça que les ulama disent que de notre temps, par exemple, c'est pas comme auparavant. Auparavant, quand quelqu'un ne sait pas où il est, on lui donnait 4 ans. Si après 4 ans, on ne sait pas où il est, la femme peut se marier. Maintenant, les ulama ont dit non. Un an, et c'est beaucoup. Un an, et c'est beaucoup. Certains ont dit même quelques mois. Quelques mois, ça suffit. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'internet, il y a le téléphone, il y a tous les moyens de savoir s'il est vivant ou s'il n'est pas vivant. C'est pour ça que, avec ta famille, vous pouvez contacter quelqu'un, par exemple un imam ou un alim, quelqu'un qui lui, il peut quoi ? Il peut vous donner la solution et faire de sorte que tu puisses te marier de nouveau. Voilà ce que je veux dire. Et puisque maintenant je sais que tu es dans un pays non musulman et que tu n'as pas comment. Moi je croyais que tu étais par exemple en Algérie. Puisque je sais que tu es dans un pays non musulman, demain, inshallah ta'ala, dans le cours du fiqh, je te dirai aussi ce qu'il faut faire et quelle est la solution quand tu es dans un pays non musulman. Wallahu ta'ala alam. La prochaine question, Staki, inshallah ta'ala, parce qu'il reste un quart d'heure et on va terminer. Staki, la prochaine question, inshallah ta'ala. فيك بارك الله شيخ ابن تيمية permet à la femme de mettre en condition à son prétendant qu'il ne prenne pas une deuxième épouse. Est-ce l'avis aussi de شيخ ابن تيمية? صح, ابن تيمية dit cela, et 95% 90%, si je n'ai pas oublié parce que j'ai bien lu ce qu'a dit شيخ ابن تيمية, à 98% lui aussi il a dit ça. À 98%, Cheikh Ibn Uthaymin aussi a dit ça, même s'il ne l'a pas dit. Supposons qu'il n'est pas dit, c'est ça le sahih. Nous on marche toujours avec le sahih, même si par exemple Cheikh Ibn Uthaymin ne l'a pas dit. L'essentiel c'est que ça soit le juste et le vrai. Donc les ulama ont divergé sur cela, mais le sahih, le vrai, c'est que si une femme fait cette condition, il est obligé. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ ما في صوت. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الأنت معنا. الشيخ الأنت معنا. اكتب الرقم الواحد. Inch'Allah, patientez les frères et sœurs. Le Cheikh, il est de sortir, bismillah, il doit avoir un problème, il va rentrer, bismillah. Inch'Allah, patientez. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hel fih sawt? Hel fih sawt? L'ennu. M'kata'a biya l'akhara. Kharist wa dakh. Naam. Je ne sais pas pourquoi je me suis trouvé hors de la salle, déconnecté. طيب حسن 830 تفضل الاخ حسن. السلام عليكم شيخ. الاخ حسن كتب لي في موقع خاص, يريد أن يكتب لك رسالة في إيميل ديالك بإذن الله, لأنه عنده بنسبة مشكل كبير, فسيكتب لي إن شاء الله وأنا سأكتب لك بفضل الله حتى يطرح سؤاله, وممكن أن سيأخذ المايك. والله أعلم. بارك الله فيك. الأخ نسيم تفضل. بارك الله فيك. الأخ نسيم تفضل, جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص خير نسيم, quand quelqu'un s'évanouit devant nous, si par exemple on le connaît et on sait que par exemple c'est dans ses habitudes de s'évanouir, Alors qu'il y a certains qui ont une certaine maladie comme l'épilepsie, etc. Ils tombent, yani, ils tremblent comme ça 5 minutes, 10 minutes et ils se lèvent. Ça, ce n'est pas grave, on le laisse, yani, comme ça, on termine notre salat. Mais si par exemple quelqu'un s'évanouit, de façon, par exemple, on sent que c'est quelque chose de grave, ou la femme, c'est quelque chose, yani, de grave, on a peur, par exemple, c'est une urgence, ou là, il va mourir, ou là, on peut la sortir de, on peut sortir de la salat, et on peut quoi? On peut yani, l'aider, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on fait la salat du dhuhr. C'est pourquoi que Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, comme fait le hadith sahih, il disait que yani, si je veux aller à la salat du Jumu'ah et qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui est malade ou là, qui est mort, par exemple, je dois laver, etc., ou bien il est en train d'agonir, etc., il dit je vais chez lui et je vais pas à la prière du Jumu'ah. J'ai le temps, je peux la faire comme salat d'or, mais celui-là il va mourir et c'est très grave. Donc on voit, comme je t'ai dit, si tu sens que c'est quelque chose de grave, inchallah, si tu laisses la salat à cause de cela, inchallah, tu l'as pas laissé à cause d'argent ou bien à cause de tentation ou bien à cause de plaisir, tu l'as laissé à cause de sauver une âme. وَمَنْ أَحْيَا نَفْسًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الشيخ الحسن يريد أن يتكلم ولكن لا يستطيع. النقطة حمراء الحين إن شاء الله تعالى ما عندوش نقطة حمراء. يتفضل إن شاء الله تعالى ما عندوش نقطة حمراء. السلام عليكم ورحمة الله. كاين صوت شما؟ عندي سؤالين إن شاء الله. أول سؤال فيما يخص المسافر في السفينة، يعني المسافر في السفينة اللي يدير مسافة طويلة، يعني يستوى 30 سوايع ليلة ونهار، يعني هل يصلي صلاة المسافر ولا يصلي الصلوات كما يعني بدون سفر؟ السؤال الثاني، يعني الانسان يخدم مع الانسان يخدم مع الكفار، يعني كل شهر يديروا اجتماع ويشربوا الخمر، يعني كما تعرف يعني من جلس مع مخمر فهو مخمر، يعني هل يعني يحبس الخدمه هذه ولا في الوقت اللي يشربوا الخمر يعني ميمشيش الخدمة، يعني ولا يعني يقول لهم أنا مسلم، أني من جلس معكم، يعني الإنسان يخدم مع الكفار في الاجتماع، كل شهر مثلا يديروا اجتماع وما يعني عادي يشربوا الخمر وسط الاجتماع، يعني اش هل يعني يجلس معهم و مفهوم سوى المفهوم ابن تيمية؟ السؤال الثاني مفهوم؟ نعم. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم. سؤال مفهوم ان شاء الله تعالى. أخ أبو طالب عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أولا فيما يخص السؤال الأول، وهو فيما يخص المسافر، أنا لم أفهم منك جيدا هل هذا الإنسان مسافر أم أنه يشتغل في الباخرة بحيث يحتاج إلى أن يسافر كل يوم. أنت الأخ نسيم، أنت الذي سألت، عفوا نسيم ولا حسن؟ الأخ حسن، باخرة كبيرة، نعم. هل هو يعني فيها مسجد؟ نعم. ليس هذا السؤال، هل هو يشتغل في الباخرة بحيث يسافر دائما، أم أنه تتكلم عن إنسان سافر يعني مرة من المرات سافر في باخرة؟ تتكلم عن مسافر عادي أم إنسان يشتغل فيها؟ لا، ما معنى لا؟ يعني مرة، نعم، مرة، نعم، يعني لا يشتغل فيها، نعم، هذا نعم مرة في العام، نعم، هذا لما يخرج لما يركب في السفينة ويخرج من بلده يبدأ يقصر في الصلاة. لما يخرج من بلده مثلا السفينة موجودة في مثلا العاصمة الجزائر بس يبعد شوية هكذا في البحر تصبح يعني تظهر العاصمة هكذا شوية بعيدة هناك ويأتي وقت صلاة يستطيع يبدأ يقصر من صلاة الظهر 2 العصر 2 المغرب 3 العشاء 2 والصبح 2. لكن إذا صلى مع إمام في السفينة والإمام نفسه يتم صلاة يصلي 4 فهو يصلي وراءه 4. إذن إذا صلى وراء إنسان يتم في السفينة هو يتم، وإذا صلى وحده يقصر، وإذا صلى وراء إمام يقصر أيضا، والله أعلم. أما فيما يخص الجماعة الذين يشربون الخمر وتجتمع معهم، فإذا اجتمعت من أجل عمل هذا يسمى عملا، لكن إذا أحضروا الخمر من أجل أنهم يشربوا الخمر وكذا أنت لابد أن تترك مجالستهم أثناء الخمر. إذا بدأوا في شرب الخمر وكذا تقوم وتعتذر كأنك تذهب إلى المرحاض أو تذهب إلى أي شيء أنت حر، حتى ماذا، حتى لا تجلس على مائدة يدور عليها الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا استطعت ووفقك الله عز وجل أن تدعوه أن يفتح عليك فممكن تجد إن شاء الله عملا آخر ما يكونش فيه الاجتماع للخمر، لكن أنت تحاول أن تتقي الله عز وجل ما استطعت، تتقي الله عز وجل ما استطعت، يعني استطيع أن تقوم لما يشربوا الخمر لابد أن تقوم حتى يعرفوا في وجهك أنك منكر لهذا المنكر، والله تعالى أعلم. أعطي إن شاء الله إلى الذي بعده. S'il n'y a personne qui a une question, on s'arrête déjà qu'il est un peu tard. S'il n'y a personne qui a la dernière question, Inch'Allah, on se rencontre demain. Hakim, tafadhal. Sinon, on se rencontre, Inch'Allah, demain au cours du Fiqh, à 22h30 française, Inch'Allah ta'ala. Il y a un cours, Inch'Allah, sur le Fiqh. On se rencontrera, Inch'Allah, demain. Bon, il y a maintenant pour sœurs et musulmans. Pour sœur Tfadli. Inch'Allah, pour sœur va poser la question, ensuite Muslima et les autres, Inch'Allah ta'ala, demain bien. Quelle était sa question pour sœur? Quelle était sa question? Moi, je me rappelle plus. Quelle était sa question pour que je la répète? Maintenant, est-ce que tu es en train de m'écouter? Pour sœur, maintenant, est-ce qu'il y a du son? J'avais dit que Cheikh Ibn Taymiyyah avait posé cette condition, bien sûr, et que Cheikh Ibn Uthaymeen, à 98%, il a dit aussi cela. Il a dit aussi cela, que quand une femme pose dans l'acte de mariage avec son époux qui n'épouse pas une deuxième, s'il accepte, il ne peut plus épouser la deuxième. S'il épouse la deuxième, le premier mariage devient nul avec la première, sauf si elle veut continuer le mariage. Si elle veut l'annuler, il est nul. Le fait qu'il ait transgressé de la condition a dit, ça y est, le premier devient nul, parce que le prophète alayhi salam a dit muslimun ala shurutihim. Et j'ai dit que pire que cela, j'ai dit que Cheikh Ibn Uthaymeen a permis à une femme, lorsqu'elle a des doutes dans le mariage, et par exemple qu'elle sait qu'elle va vivre par exemple avec ses parents, les parents de l'époux, ou bien par exemple dans un pays par exemple difficile, elle ne sait pas si elle peut vivre là-bas ou elle ne peut pas, les conditions difficiles, Cheikh Ibn Uthaymeen a permis à la femme même de faire une condition, par exemple de par exemple dire voilà, je fais une condition, je me marie pendant 6 mois et je vois, ou bien une année et je vois, si je peux continuer je continue, si je ne peux pas j'annule le mariage. Même cette condition, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit elle est valable. Ensuite, si l'époux accepte, elle se marie avec lui. Ensuite, elle voit. S'il voit, elle voit par exemple qu'elle ne peut pas vivre avec ses parents, ils sont sévères, ils sont, etc. Elle lui dit, voilà, donc comme on s'est entendu, moi j'arrête le mariage, je l'annule, parce que j'avais mis comme condition qu'après 6 mois je pouvais y aller voir si je pouvais continuer ou si je peux pas, et toi tu as accepté ma condition, et muslimun inda shurutihim, maintenant j'annule le mariage, comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Et alhamdoulilah que pas toutes les femmes savent que cela est permis, sinon elles vont nous faire un grand chantage. تفضل أم سلمة. نسيم، je crois que tu as une question. تفضل نسيم، c'est je t'ai enlevé le rouge toi et l'Om Muslima. نسيم ou bien مسلمة. تفضل نسيم ou bien مسلمة، parce que le temps est terminé. تفضل. Dernière question, inchallah, pour aujourd'hui. Pour sœur Fiki Barakallah. Nassim, pourquoi tu prends pas le micro, ni toi ni Muslima, pourtant vous n'avez pas de point rouge. Est-ce que vous parlez ou là vous écrivez? Naam, Muslima ne peut pas écrire, maintenant je vais enlever le point rouge. Je croyais qu'elle n'avait pas de point rouge. Maintenant, elle peut écrire, Inch'Allah. Si elle veut, sinon elle se transmettra. Bismillah ar-Rahim. Nous savons qu'une femme ne peut pas imiter un homme dans sa tenue vestimentaire et inversement aussi. Je voudrais savoir si je peux mettre des baskets. Quand c'est pour femme, si c'est pas tachébou belijel, s'il vous plaît, Achir, en dessous du djilbab. Car quand c'est pour les femmes, si c'est pas taché pour le jeu, s'il vous plaît, cher. Et en dessous du jilbab, charaï, est-ce que je peux porter un pantalon? En ce qui concerne les baskets, s'il y a des baskets, je crois qu'il y a des baskets qui sont conçues spécialement pour femmes. S'il y a des baskets qui sont conçues spécialement fabriquées pour femmes, de façon à ce que, par exemple, de façon à ce que même les hommes ne les mettent pas. Ça, Inch'Allah ta'ala, tu peux les mettre. Pourquoi? Parce qu'elles ont été fabriquées pour les femmes, de façon à ce que, yani, ça se voit. Voilà les baskets des hommes, et voilà les baskets des femmes. Si c'est un modèle féminin, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mouchkila. En ce qui concerne le pantalon sous le djilbab, s'il est caché de façon à ce qu'on ne le voit pas ou qu'on ne voit qu'un petit peu d'en bas, Inch'Allah ta'ala, c'est permis. S'il est caché de façon à ce que quand on regarde la femme, on ne voit pas son pantalon, ou bien au maximum qu'on ne voit qu'un tout petit peu, surtout si c'est un pantalon normal, par exemple un pantalon qu'on a mis à cause du froid ou bien à cause de l'année. Ce n'est pas par exemple un blue jean, etc. Mais c'est un pantalon, par exemple, conçu pour femme, etc. Surtout s'il est caché de façon à ce qu'on ne peut pas le voir, mais on l'a mis, par exemple, à cause du froid ou à cause de... Si on s'assoit et on ne se découvre pas, etc. Inch'Allah ta'ala, jaiz. Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Wallahu ta'ala, a'lam. Je crois qu'on a beaucoup parlé pour ça. Barakallahu fikoum, shaykh. Hayyakumullah. حياكم الله جزاكم الله خيرا ان شاء الله on se rencontre demain à 22h30 pour l'akhir, pour le dars du fiqh, sauf s'il y a quelqu'un qui a une dernière question. S'il y a une dernière question, ça me fait, on attend la dernière question. 21h30, jazakallahu khairan. 21h30, c'est-à-dire 22h30 ici au Koweït, 22h30, 21h30 chez vous là-bas. Je vous donne, inchallah, en ajoutant encore 5 minutes. Et inchallah, j'ai dit que demain inchallah on se rencontre à 21h30 heure française. Je vous donne encore 5 minutes pour ceux qui ont une dernière question ou là quelque chose que, allez, peut-être c'est un peu pressé. إن شاء الله تعالى أنتم من أصل. تفضل الحكيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت؟ الحمد لله. يا شيخ هل أنت موجود إن شاء الله؟ حياك الله وبياك. آمين. الحمد لله. عندي سؤال إن شاء الله dernière question. نعم j'ai vu. الحمد لله. حاضر. En fait, une sœur pose la question de savoir. Yani, elle a eu un enfant. Elle a eu un bébé sans mariage, sans acte shar'i, il y a mis un enfant dans le haram, ici du haram. Elle pose la question de savoir est-ce qu'elle peut y aller faire le baptême de son enfant, de son fils. Une tahara, est-ce qu'elle peut faire la tahara toute seule, sans son. Il y a vu qu'elle est, il y a vu que son. C'est celle qui avait la question la dernière fois par rapport au fait que. Le mari avec qui elle a eu l'enfant, m'a repoussé le mariage. Donc, la chérie, Inch'Allah, le premier conseil m'a dit, elle, est-ce qu'elle peut faire la circoncision seule, sans son accord, ou bien sans qu'il puisse l'aider, ou bien. Fadlal. Barakallahu fik, hayakallah. Salam alaikum wa rahmatullah. En ce qui concerne la question de Hakim, j'ai lu que le hadith dit que le prophète alayhi salam sallam séparait le rinçage de la bouche et du nez dont les ablutions est faible, et que le hadith authentique dit qu'il le faisait avec la même main. Est-il permis de les séparer ou pas avec d'autres preuves? Bien sûr, comme tu as dit, le hadith sahih dit qu'il faisait sans les séparer. Il faisait sans les séparer. Reste à savoir, est-ce que le fait de les séparer, qui a dit que le hadith est faible? Moi j'ai oublié. Reste à savoir, est-ce qu'on peut séparer avec d'autres hadiths? Je crois avoir lu qu'on peut séparer avec un autre hadith. Mais je voudrais d'abord être sûr que ce hadith est authentique, surtout que toi tu dis qu'il est faible. Moi, j'ai comme lu quelque part que le prophète alayhi sallam a séparé et n'a pas séparé. Mais laisse-moi te chercher inshallah dans les hadiths pour que je te donne la réponse demain inshallah ta'ala. Est-ce qu'on peut séparer avec d'autres hadiths? Oui, je vais te voir s'il y a un hadith sahih qui dit qu'on peut séparer. Je vais noter ici pour te donner inshallah la réponse demain. Parce que j'ai lu cela et j'ai oublié le hadith s'il était vrai ou n'était pas vrai. Puis mais la question de la femme, bien sûr qu'elle peut le circonscrire là. Elle peut faire cela, bien sûr, parce que tant qu'il vit chez elle, il vit chez sa mère, c'est elle qui doit le guider, c'est elle qui doit lui faire tout ce que Allah Azza wa Jalla aime. Et c'est elle qui doit l'éloigner de tout ce que Allah Azza wa Jal n'aime pas. Yani, quand elle va lui faire la circoncision, inshallah ta'ala, elle aura un ajr, elle aura inshallah des bienfaits, parce qu'elle fait quelque chose que Allah Azza wa Jal aime. Wallahu a'lam. Tfadl nas, ou Abdurrahman. Akhi Abdurrahman, tfadl jazakallahu khayran. Hatta nakhdim, tfadl jazakallahu khayran. أخي عبد الرحمن تفضل 25 بارك الله فيك. أخ مومو تفضل. أخي عبد الرحمن 25 الله عز وجل قال اسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لعلماء دي أهل الذكر سي ceux qui connaissent le kitab et la sunna, le Coran et la sunna. Ceux qui disent le madhab a dit, le madhab X a dit. Non, ceux qui disent Allah Azza wa Jalla a dit et le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit. Ce sont al-dhikr. Bien sûr, et les ulama ont dit, quand c'est quelque chose que seul un savant peut répondre, il y a des choses que seuls les savants peuvent répondre. Cette chose, on la pose à un savant. Et quand c'est quelque chose qu'un talib ilm peut répondre, surtout s'il n'y a pas de savant dans la région où se trouve talib ilm, on peut la poser à quelqu'un de talib ilm. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, toi, Abdelrahman 25, toi, tu vas rencontrer quelqu'un, il va te dire, est-ce que la prière du dhar, est-ce que je la fais à voix haute ou à voix basse? Toi, c'est pas la peine que tu téléphones. Et toi, yani, même si tu n'es pas un talib ilm, tu es un petit talib ilm, tu lui réponds. Tu lui dis non, ça là-dedans, ça se fait pas fort, ça se fait yani, sirren. Un autre va dire, par exemple, nous sommes en plein ramadan, par exemple, il a dit, par exemple, j'ai mangé, par exemple, j'ai oublié. Est-ce que je termine ou bien qu'est-ce que je fais? Et toi, tu as entendu déjà dire, par exemple, à Adam que quand on oublie, par exemple, on continue à faire le jeûne. Tu lui réponds. Parce que quoi? Tu as entendu à Adam dire. C'est pas toi qui as tiré ça de ta tête. Tu lui dis non. J'ai entendu à Adam dire X, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit ceci et cela, si bien sûr tu es sûr de ce qu'il a dit. Donc il y a des choses à laquelle un talib ilm peut répondre, surtout s'il n'y a pas de savant à côté de lui et pas dans sa ville. Il y a des choses que, même si tu demandes à talib ilm, lui-même, il doit demander au grand savant pour qu'il réponde. Donc les choses faciles, etc., on répond nous. Les choses difficiles, etc., on doit les donner aux grands ulama pour que ce soit eux qui répondent. Wallahu ta'ala a'lam. En ce qui concerne salam alaykoum, Cheikh Zid Al-Mitrali a dit qu'il fallait un tahqiq pour lire le livre Ruh de Ibn Qayyim. J'aime savoir ce qu'il en est pour le kitab Al-Fawaid. Barakallahu fikoum. J'ai une autre question, permettez. Bien sûr, pour ce qui est du livre Ruh de Ibn Qayyim, bien sûr, certains ulama disent que c'est le premier livre qu'il a écrit dans sa vie. Ils disent que Ibn Qayyim, c'est le premier livre qu'il a écrit dans sa vie. C'est pour ça qu'ils disent il contient même certaines choses qui ne sont pas vraiment vraiment justes. Il a dit des choses comme ça que c'est pas très sûr que c'est ça la vérité, parce qu'il était jeune, et quand on écrit un livre pour la première fois, bien sûr, ce n'est pas, on va pas l'écrire, tout ce qu'on va mettre dedans va être juste, parce que la première fois on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas beaucoup d'aînes, etc. Mais ce livre, le deuxième livre, Al-Fawaid, celui-là, non. Celui-là, il a écrit quand il était âgé. Et c'est un livre, bien sûr, comme le nom. Comme l'indique le nom, Al-Fawaid. Il est plein de Fawaid. Il est plein de Fawaid. Et ce livre, on doit le lire au moins deux ou trois fois dans sa vie. Ce livre, je conseille à tous les sœurs et les frères de le lire au moins deux ou trois fois dans la vie. Moi, si je n'oublie pas, je l'ai lu deux fois. Mais la troisième, Inch'Allah, n'est pas loin. Peut-être je vais le lire avec vous. Peut-être on va faire un cours comme ça en plus. Je vais vous lire ce livre, tellement il contient de choses qui font agrandir la foi. Et ce livre, il a un tahqiq. Moi, je connais même un Algérien qui lui a fait un tahqiq. Il a dit les hadiths, s'ils sont vrais, s'ils ne sont pas vrais, etc. Quelle est ta dernière question, cher? Il y a des maisons d'édition qui traduisent des livres, mais elles ne sont pas salafis, traduisent des livres de Chour Salaf. Pourtant, acheter ces livres ou pas, personnellement, je le déconseille. Bien sûr, parce que ces maisons, leur but, c'est l'argent. Leur but, c'est l'argent. C'est comme certains livres de Cheikh Ibn Uthaymeen qui ont été écrits en Égypte, etc. Alors certains ulama disent faut pas acheter ces livres parce que leur but c'est l'argent. Alors ils disent n'importe quoi à l'intérieur et il n'y a pas de tahqiq. Il y a des choses qui sont fausses, ils s'en fichent. Ils disent moi mon but c'est de vendre le livre. Mon but c'est de vendre le livre. C'est pour ça que quand on achète un livre, il faut être sûr de c'est quelle maison. Et il y a d'autres, bien sûr, comme les Égyptiens, il y en a beaucoup d'autres qui sont connus pour traduire sans demander les droits, bien sûr, comme certains Égyptiens. C'est pour ça que le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, la plupart, يعني sont maintenant faits par يعني ses élèves etc. dans le Qaïda, n'am. Quand ce sont ses élèves etc. bien sûr ils enlèvent toutes les fautes etc. Inch'Allah ta'ala, je vous laisse. Inch'Allah, نلتقي غدا على درس الفقه Inch'Allah ta'ala. وإنش'Allah, سأل الله عز وجل فيك بارك الله. سأل الله أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في ديننا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد به الله خيرا يفقه في الدين. ولهذا قال الشيخ الإسلام على رحمة الله قال إذا رأيت نفسك يعني أنك لم تتفقه في الدين فاعلم أن الله عز وجل لم يريد بك خيرا. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide, qu'il nous guide, qu'il nous apprenne sa religion, car le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit si Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il lui apprend sa science, yani sa religion, le Coran et la Sunna. Inch'Allah, on se rencontre demain à 21h30 heure française. Inch'Allah, on parlera du fiqh, on s'est arrêté. Je crois que demain, Inch'Allah, c'est le dars, c'est ce qui a rapport avec les toilettes. Il y a un rapport avec l'urine, etc. Des choses yani, importantes pour le salafi. Bien sûr, celui qui n'est pas salafi, il va dire vous n'allez pas sortir des toilettes. Vous allez rester dans les toilettes, comme ils disent toujours comme ça. Et les gens sont montés sur la lune, etc. Et vous êtes toujours dans les toilettes. Voilà ce que disent les pauvres et les masakines qui sont loin de l'islam, comme le soleil est loin de la terre. On demande à Allah Azza wa Jalla qui nous guide. Et qu'il nous apprenne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa ghadan akh satisfait maintenant est rentré alors qu'on avait besoin de lui tout à l'heure. Lakin jazakallahu khair ma'dour inshallah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullah.